des Stars présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Une des Stars. Alors, est-ce qu'on va vraiment débattre ce soir? Oh oui, il y a moyen, remarquez. Bonne soirée à l'écoute d'Une des Stars, unedesstars.fr sur le site internet directement ou toutes les applications d'écoute en ligne et en direct. Et puis, bien sûr, en podcast hein, quand vous voulez pour réécouter toutes les émissions d'Une des Stars. Comme tous les lundis soirs et comme tous les vendredis soirs d'ailleurs, à partir de 21h et jusqu'à minimum 23h, c'est votre émission à la maison. Ce qui veut dire que Teddy est dans le studio. Bonsoir Teddy. Alors... Oui, effectivement, bonsoir, je suis là, même si j'ai failli ne pas être là au final. On va oui, pas alors partir. Tu vas nous raconter, mais en même temps, pourquoi je dis que Teddy est en studio et que c'est une émission à la maison? Parce que finalement, le studio, c'est un petit peu ta maison. Oui, c'est ça, je pourrais, bah, je pourrais dormir maison, ici en vrai. Mais c'est vrai qu'en principe, tu y es dès le début d'après-midi, alors ouais. Que là, t'es arrivé à 20h, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça va être très simple. J'étais chez moi, en combi licorne, donc pyjama pour moi, hein, clairement. Je regardais la série. Chacun ses délires. Oui. Bah, en Kigurumi, c'est hyper bien les Kigurumi. C'est génial. Je regardais la série Brooklyn Nine-Nine. Oui, dans la place, je regarde aussi Team Brooklyn Nine-Nine. Grâce à Audrey, hein, d'ailleurs, qui m'a donné ce tip, parce qu'alors qu'elle ne la regarde même pas. C'est ça qui est bon. Ouais, c'est assez marrant. C'est amusant à regarder, c'est sympa, c'est non, digeste. Parce qu'elle me conseille des séries, et moi j'étais persuadé. Elle me dit, oh, il y a Brooklyn Nine-Nine, faut regarder, etc. Et, je suis sûr que ça va te plaire. Et là, il me fait un sketch de. Ah, mais il l'a pas vu. Mais parce mais, que j'arrive à la deuxième saison et je lui parle des personnages, et elle me fait, ah ouais, mais moi, c'est pas moi qui regarde ça. Quoi? J'étais choqué. Ça t'a plu? Ah ben moi oui. Et bon, toi, bah, voilà, alors, le conseiller. Oui bah si moi enfin j'avais déjà vu des épisodes je sais plus comment pourquoi ou quelle raison j'ai dû tomber dessus par hasard. Ouais c'est sympa c'est marrant. Le mec se plaint parce que je lui ai fait une bonne recommandation. Ah non mais je me plains absolument non, pas. J'ai juste été choqué du fait que tu ne regardes pas encore Brooklyn Nine-Nine. En fait, quand Audrey nous conseille des youtubeurs en fait c'est elle ah mais j'ai jamais regardé hein c'est. C'est ça. C'est que bon. Du fake, je regarde que les miniatures. C'est que du fake, exactement. Excellent. Bon, alors, oui, donc oui. Tu étais en train de regarder bon, Brooklyn Nine-Nine, voilà, saison combien, épisode combien? J'en sais rien, moi je vais regarder à la suite, je m'en fous d'une. Enfin, ouais. Je okay. Sais pas. Bon, il y a cette saison. Peut-être, ouais, j'y serai bientôt. Sur Nutiflux. Comment dire? J'avais la chienne, on a une chienne en ce moment en vacances chez nous qui s'appelle Athéna. Un petit chien. T'as une chienne en vacances, d'accord ouais. C'est quoi comme petit chien? C'est la chienne de qui, surtout? La chienne de Maeva qui vit chez mes parents de base parce qu'en appartement c'est quand même pas cool pour un chien. C'est un labrador croisé cocker. Oh, un petit chien. Ça donne un labrador miniature avec des grandes oreilles. C'est très mignon. Oh. Bref, okay. J'étais là posé tranquille. Bah rien pouvait me perturber hein, clairement. Je regardais, j'étais dans le vide. Puis il y a Maeva d'un coup qui me dit mais en fait tu y vas à quelle heure à la radio? Je la regarde bizarre et... Oh putain c'est vrai on est lundi. Et ouais du coup je me suis excité, j'ai mis un pantalon, j'ai commencé à manger vite mes trucs. Et puis hop je suis parti. Et il n'était au studio que 2 heures à l'avance. Tristesse. Bah ouais tristesse. Non, clairement. C'est quelle déception. On ne peut pas rater ce rendez-vous pourtant du lundi soir parce qu'aujourd'hui on a plein d'astuces pour vous, des astuces du quotidien. Bah oui. Voilà, vous communiquez, donc il ne faut surtout pas rater avec le quiz à la fin, bien sûr, on va jouer ce soir. Mais d'abord, on accueille Laura. Je me sens accueillie comme une star, tout ça parce que la semaine dernière j'étais pas là, mais je suis flattée, je suis extrêmement flattée. Tu vois, comme quoi, des fois faut pas être là, et parce que moi on m'a jamais dit fait un accueil comme ça, hein, mais parce que je suis toujours là. Non, mais en fait, c'est quand t'es pas là qu'on te fait un super accueil. Mais non, mais c'est parce que voilà, quand en fait, quand on n'a pas quelque chose, cette chose nous manque et quand elle est là, on a bah c'est normal. Mais non, il faut profiter des instants de la vie, des petites choses. Oh, là là oh oui, monsieur le pain du matin. Oh oui, je t'aime. Bref, pardon. J'avoue que la boulangerie a fermé pendant une semaine et ça manque. La boulangerie a fermé. Bah pas de chance. Hein. Moi j'en ai 4 autres. Ah, ils sont en vacances, hein, mais. Ah non, moi j'en ai pas autour. Bah viens m'acheter du pain. Viens m'acheter du pain. Ah ouais, non, ça fait un peu loin. Il faut faire 40 km pour aller chercher une baguette. Tu fais aucun effort, c'est clair. Théo. Tu fais vraiment aucun effort. Il croit que je vais aller chercher un truc à son supermarché à 40 km. Et alors? T'es vraiment à 40 km? Je suis pas loin. Je suis dans un petit village dans le sud de Tours, dans la région de Tours. Non, de comment ça s'appelle la région centre? Région centre il s'appelle Vénier. Oui, voilà, c'est ça, un truc du genre... Et ben, je suis dans c'est quand même pas très écologique pour aller chercher du pain. Hein, bah sait. Non, moi je suis écolo. Moi, si tu veux, quand je vais chercher mon pain, c'est à pied. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est à pied, ouais. Il y va en 205 si, GTI. Si je suis pas là souvent, j'entends des conneries que tu fais dans tous les cas. Ouais. Bon. Ok. Des fois, j'y vais en voiture, mais c'est quand même loin. Il y a au moins 150 mètres. Oh. Passons plutôt. C'est ça. Antoine. Salut Antoine. Salut. Antoine est là. Oh, ça vaut bien des applauses. Et ça aussi, c'est beau. Antoine dit le requin, si on en croit l'image qu'il a mis en miniature de notre serveur Discord qui nous permet de faire cette émission à la maison. Antoine, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment précis? Là, je suis sur PC à mon frère en train de me préparer pour l'émission. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Non, t'étais censé manger une pizza. Il y a 3 minutes 35 alors. Dans le script, il y a écrit que tu manges une pizza quand même. Voilà. Attention au script, hein. Oh non! Ouais, si vous voulez, je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée semaine dernière, je crois, ou ce week-end, je sais plus. Ouais, alors si elle dure moins longtemps que Teddy, ok. C'est parce que Teddy, oh, ça va être court, 5 minutes 35. Ça va, c'était pour la nuit. J'entendais un gros boom dans la maison. Genre, je dormais, donc ça m'a réveillé en sursaut. Et moi, vu que je dors pas habillé, donc je suis tout nu. Oui. Et à côté de moi, j'ai une réplique d'airsoft au cas où si on sait jamais s'il y a un complément. Oui, on sait jamais. T'as un fusil à côté? Ouais, mais il est pas chargé, hein. C'est juste au cas où. Au cas où quoi, du coup? Non, mais c'est pas un fusil. Non, le airsoft, Théo, c'est une réplique, c'est pas oui, une. Oui, bah, c'est une réplique, mais ça tire quand même des babales. Attends. Ça fait 2 joules. Oui, enfin, bref. Je m'imaginais en pleine nuit, genre 5h du matin, descendre des escaliers tout nu. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un chez moi. Et est-ce que ça serait pas ça le plus dissuasif finalement? Le fait que tu sois tout nu. Moi je vois un mec qui tient sur un poil, je me casse. Ouais, plus que la réplique quoi finalement. Moi je vois qu'une pudeur, moi je me porte à balle à poil, ça me dérange pas. Et c'était quoi finalement? Bah en fait c'est dans la salle de bain, j'ai une espèce de perche qu'on peut mettre les produits là. Genre les shampoings de soie qui étaient tombés. Ah oui, oui, je vois. Ouais. Et qui s'est déventousé ou un truc du genre. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Casper qui prenait son bain et voilà, quoi, il a fait tomber le shampoing. Ah, mais il y a peut-être Casper le fantôme. Ouais. C'est quoi le jeu Phasmophobia, c'est ça que tu joues, Jonathan? Ouais, bah Antoine joue avec moi d'ailleurs. Ah bah oui, bah c'est pour ça après. Le jeu, c'est une flippette sur ce jeu. Ah bah oui, mais l'autre fois il m'a montré, mais on n'a pas tué de fantôme. Hein. Bah, il y avait rien, c'était plat. On n'a pas eu le temps. Ouais, c'est un jeu vidéo auquel il faut tuer des fantômes. Les mecs n'ont pas eu le temps de finir les graphismes, du coup ils se sont dit bon, on va faire des fantômes, comme ça c'est plus facile. Bref, non, ça a l'air d'être un bon jeu. Comment va Audrey? Eh ben écoute, ça va bien. Niveau bruit chelou chez moi, j'ai un petit chat extrêmement mignon qui est un prédateur. Et donc il veut me nourrir très gentiment, tel un petit chat extrêmement mignon qu'il est. Sauf que cette nuit, donc pareil, je me réveille avec du bruit bizarre. Je suis genre, c'est quoi ce délire? Et en fait, j'entends un gros boum contre ma fenêtre. Et en fait, c'est le chat qui me lançait un rat mort sur la fenêtre. En mode, ouvre-moi, je te nourris, j'ai un gros cadeau pour toi. Oui, parce que j'adore ça. C'est un mulot. Non, c'est pas une souris, c'est un c'est rat mort, entièrement mort. Et quand je lui ai dit, non, bah alors chat, si tu veux, tu rentres à la maison, mais sans le rat, il était hyper vexé. Bah, il a passé la nuit dehors. Il t'offre un gros cadeau et toi. Ah non, mais il me nourrit, je sais. Mais... Je sais qu'il me nourrit, mais bon. Halloween, le rat c'est mort pas en ce moment. Du mat, quoi. Voilà, c'est quoi. Pas en ce moment, Halloween, c'est pas le moment d'accrocher des décos là. Fais les comprendre, ça. Merde. Au pire, tu le mets au congèle et tu le ressors pour Halloween. Hop, une petite déco et voilà. Ah, non, mais j'ai pas de souris à nourrir. Non, mais. Non, de serpent, pardon. J'ai pas de serpent à nourrir. Ouais. C'est ça que je veux. Ouais, t'aurais pu l'offrir à quelqu'un qui avait un serpent. Mais bon, après, c'est pas généreux, c'est pas généreux. Ça. Alors que lui, il est très généreux, ton chat. Complètement, voilà, exactement. Il prend soin de moi en me lançant des rats morts à 3h30 du mat. Bah, voilà. Chacun son chat. Mais je l'aime, hein. Oui, c'est pas. Voilà. On comprend. Moi, j'ai reçu ma scie circulaire cette semaine pour éloigner les fantômes. Est-ce qu'on te l'a lancé contre la fenêtre? Non, on l'a pas lancé contre la fenêtre. Elle était à monter, scie circulaire sur table. Et puis j'ai refait parce qu'on m'a foncé dedans l'autre fois. J'étais garé tranquillement sur. Non, là je dis non. Non, mais si. Non, mais il y a eu un accident. Mais moi, Teddy en est témoin parce qu'il était, pour tout vous dire, il était venu faire un tour à la maison. Il repart de la maison. Et j'entends et là, il entend un boom. Comme chez Antoine, le même boom. Un boom pareil. Et j'appelle du coup Théo. Je lui dis, mais attends, j'ai entendu un boom en partant. Il y avait une voiture qui tournait en rond sur le parking. C'est un peu chelou, va voir ta bagnole. Et forcément, c'est tombé sur moi. Hein, donc un petit con qui s'amusait sur le parking à tourner en rond et qui a heurté ma voiture en défonçant le pare-choc et le clignotant et qui s'est en allé après, qui s'est tiré. Et je dis, bah Teddy, c'est quoi la marque, le modèle de la voiture, etc. C'est une voiture rouge. Sauf que oui, voilà. Faut pas oublier qu'il demande ça à Teddy quand même. Teddy, les voitures, voilà, elles sont rouges, elles sont bleues, voilà, c'est bien. Ah, t'es rouge donc, Bordeaux. On a épluché, après avoir épluché toutes les bagnoles rouges de France, je me suis résolu à racheter un pare-choc et puis un clignotant. Et donc j'ai changé tout l'attirail, je crois que c'était samedi, où il a fallu que je démonte entièrement l'avant de la voiture pour le remonter. Mais j'ai réussi, et ce qui fait que dimanche, j'étais quasiment toute la journée au lit parce que courbature, quoi. Donc d'où l'utilité de la scie circulaire. Ridicule. Ah, la vieillesse, ça fait mal. Bah, la vieillesse et le manque, le manque d'exercice physique, clairement, hein. ne nous le cachons pas. Bon, ce soir, on va vous donner des astuces. Alors, on va parler bagnole un petit peu. On va parler aussi avec toi, Laura, dans un instant, de comment faire des économies. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Ah non. Non, c'est vrai que j'ai pas ça nous intéresse pas du tout. Ah oui, j'ai oublié. Pardon, Jolan. Est-ce qu'il s'est passé un truc sensationnel dans ta semaine? Je suis confus. Toutes les confus, c'est pas moi qu'on oublie. Oui, donc, oui, il s'est passé deux choses assez drôles cette semaine. On a dit sensationnel, pas drôle. Non, oui, la première est sensationnelle pour le coup. Ah, sensation! J'ai battu mon escalier. Alors, c'est pas tant dessus du tout ce que je vais dire. J'ai chuté dans mon escalier, voilà. Donc, voilà, en sachant qu'il habite au rez-de-chaussée. Hein. Alors, j'ai une mezzanine, mais il faut savoir que des chaussettes sur un parquet, ça glisse. Et quand t'as un bébé chat dans les pattes, tout de suite, c'est la faute du bébé chat. Non, non, le mauvais chasseur accuse là. 25 ans pour se rendre compte que le parquet, ça glisse. Et puis, deuxième anecdote, ce qui s'est passé, ça s'est passé tout à l'heure. J'ai acheté des petites friandises pour mon chat et il a réussi à trouver la cachette des friandises. Ah, oui, évidemment. Il est monté dans le placard et il a commencé. J'ai entendu des bruits bizarres dans le placard. Je me suis dit, il est où le bébé chat là? Et il était en train de bouffer les friandises. Et tu sais que mon chat. Après on va arrêter parce que avec les animaux. Des missions chats ou des missions humains. On a tous 10 000 anecdotes, mais en parlant d'aller retrouver les cachettes, moi ce qui fait, je lui donne des petits sachets de nourriture et j'ai fou à la poubelle et le chat arrive à fouiller dans la poubelle pour en sortir uniquement le sachet, l'apporte dans la salle à manger pour déchiqueter en fait bande par bande pour lécher tout ce qu'il y a à l'intérieur mais sans abîmer, sans le mettre en morceaux, et après va rapporter le sachet dans la poubelle de la cuisine. Je trouve ça mine de rien, ils sont très minutieux les chats quand ils sont très minutieux. Et l'autre fois il a fait ça avec trois sachets, donc il a été fouillé jusqu'au fond de la poubelle pour aller chercher le troisième sachet. À un moment donné, il était dans le salon et puis il avait pas rapporté le troisième sachet. Ma sœur le regarde, elle fait bah Guigui, va rapporter le sachet. Et là le chat il le reprend dans la gueule et il va le reporter dans la poubelle dans la cuisine. J'ai trouvé ça. Non, je trouve c'est un chat très bien écologique et propre en plus. Ah ouais, ça, parce que il gamelle. Tu sais que j'ai jamais lavé sa gamelle, hein, parce que en fait, il la lèche tellement clean qu'elle est comme si elle sortait du lave-vaisselle. Voilà. Bon, alors quelques astuces à communiquer ce soir, et notamment comment faire des économies au quotidien avec Laura dans un instant. Mais avant, on a la meilleure amie de Dana Free. Elle s'appelle Mia Rose. Mia Rose, exactement. Merci les enfants. Falling for You, c'est la reprise de Colby Kayat parce qu'on est en hiver donc il fait froid. Non. Bref, vous avez... Non, elle te bien, Susan. Non. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Exactement, 23h pour cette émission à la maison où on parle astuces du quotidien ce soir. On va vous donner quelques petits tips comme ça pour vous faciliter la vie et pour gagner de l'argent ou en tout cas moins en perdre en faisant des économies. Et là, nous avons notre trésorière qui débarque, c'est Laura. Et elle a quelques astuces pour nous. Et oui, je suis très proche de mes sous, je n'ai pas envie d'en perdre et j'ai envie justement de pouvoir le dépenser à bon escient. Enfin, faut savoir qu'avant j'étais quand même assez dépensière. Enfin, je veux dire, dès que j'avais un peu d'argent de poche, bah, j'aimais bien aller le dépenser dans des magasins, avoir plein de vêtements qui ne servent à rien, enfin tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui a changé chez toi ? c'est que je fais rarement les magasins de vêtements maintenant. Enfin, je me suffis avec ce que j'ai, en fait. Enfin, j'ai même les soldes, je les ai pas faites, quoi. Et je les ferai pas parce que j'en vois pas l'utilité pour ma part. Après, je comprends qu'on peut le faire quand on a des besoins, mais des fois, du coup, c'est un peu trop, comment dire, la surconsommation. Et c'est un des conseils que je peux vous donner ce soir, c'est d'éviter de surconsommer. Enfin, que ce soit même niveau bouffe, niveau vêtements ou même d'autres objets. Se poser la question avant d'acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est vraiment une envie profonde ou c'est juste, bah tiens, j'achète des vêtements parce que c'est les soldes, il y en a trois, plus un gratuit, enfin, ce genre de truc-là où au final, t'achèterais pas. Il faut, s'il y en a trois plus un gratuit, il faut sauter sur l'occasion. Oui, mais si t'en as besoin de qu'un, c'est surconsommé finalement, c'est l'appât du. Ouais, mais t'as rarement besoin que d'un seul caleçon. Mais ça dépend des produits après, on va pas faire au détail. Alors, si c'est des chaussettes, d'accord, vous pouvez appeler le 3. Mais si bon c'est détail. Des leggings, non. Alors, par contre, si c'est une petite jupe patineuse, on dit oui. Hein. Du coup, oui. Émission qui va durer jusqu'à demain 23h. Là, c'est pour ça que je disais, je partirai avant la fin, parce que bah, à la fin, ce sera à 6h du matin. Voilà. non, mais comment dire, les conseils que je vais vous donner là, ça peut sembler un peu démago, mais c'est des choses au final qui sont simples et auxquelles on pense pas forcément. Donc, éviter de surconsommer, même niveau bouffe, en fait, se dire, bah, je vais prendre la quantité qu'il me faut et pas acheter 3000 paquets de gâteaux parce que ouais. C'est en promo. Enfin, voilà, un peu. On avait parlé l'année dernière de la surconsommation. Ouais. C'est abusé quand on est français. Enfin. Même dans le monde entier, c'est affolant. Quoi. Bah déjà, rien de toute façon, le monde vit en totale surconsommation. Mais rien quand tu vois dans les rayons le nombre, je sais pas, de compotes de marques différentes, ouais. De beurre de marques différentes, de tailles différentes. Même quand tu vas dans un centre-ville et que tu vois le nombre de magasins de vêtements, tu te dis waouh, il y a vraiment besoin de tout ça. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est ça un peu la société de consommation. Mais il y a des petites astuces pour justement éviter de trop acheter. Notamment là. Comment dire, essayer de prendre des objets réutilisables, comment dire, des objets qu'on peut réutiliser. Enfin, je pense notamment pour nous les filles. Waouh, il y a des filles ce soir. Ouh ouais, salut la fille, ça va hein. Ouais, bref. Bien se passer, hein. Oh là là là là là. La fatigue est présente. Oui. Par exemple, je pense aux culottes menstruelles. Qui est une solution écologique, économique et pratique, parce que les culottes menstruelles, en fait, c'est comme si on portait une culotte lambda, normal. Mais qui absorbe le sang des règles. Et ça évite de, un, d'acheter en grande quantité tampons et serviettes hygiéniques, qui d'autant plus sont... peuvent être dangereux pour la santé. Qui sont dangereuses pour la santé. Donc, il y a des solutions comme ça à appliquer. Si je puis me permettre, on fait, nous, en tant qu'hommes, on fait encore plus d'économies de ce côté-là. Hein. Bah, totalement. Et vous avez bien de la chance. Mais il y a des objets comme ça, comment dire, qu'on a peur d'acheter parce qu'on se dit, oh, c'est un coup. Parce que pour vous dire un exemple concret, les culottes menstruelles que j'ai, une culotte, c'est 37 euros. Donc là, vous me dites, oh là là, mais 37 ouais, euros. Ouais, mais comparé à tout ce que t'achètes bon. À côté. Ah, c'est ça, il y a souvent des choses, notamment, même quand on achète par exemple des produits de qualité, de beauté ou autre, ça peut sembler cher au début, mais vu que ce sont des produits qui durent longtemps, même des vêtements, et si on évite d'acheter le, je sais pas, le jean à 10 euros, et qu'on achète un jean plus cher et qu'on va le garder plus longtemps, donc ça fera plus d'économies sur le long terme. C'est après, c'est pas ça. Parce que c'est cher que c'est gage de qualité non plus. Il faut faire ses recherches avant aussi. C'est pas parce qu'un jean est à 100 balles qu'il vaut mieux qu'un jean à 40 balles. T'as une forme, pour en revenir à ça, t'as une forme de sexisme aussi là-dedans. Parce que les fringues pour filles, un jean pour filles fait dans la même matière qu'un jean pour garçon, il va pas coûter le même prix. C'est moins cher en principe, largement. Pour femmes. Ça coûte, je sais pas, 20, 30 balles. Nous, ça a coûté 80, 70, enfin, plus. Ça dépend. Bah, ça dépend, c'est clairement vrai. Pour hommes, c'est particulièrement cher. Je ne sais pas quelle en est la raison. Peut-être parce que c'est produit en moins grande quantité. Je sais pas. Vous faites que 50% de la population de l'humanité. Donc. En moins grande quantité, MDR, j'ai envie de dire. Oui, mais on a moins de collection de vêtements, les hommes. On a moins de goût, on est plus neutre, on prend que genre du noir. Ah oui, moins de choix, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a cette mentalité-là. Voilà. Moi, je sais que ouais, les pantalons, j'en ai 5 et puis c'est bon, quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir une garde-robe complète de pantalons. De toute manière. Et donc, par contre, quand t'achètes un pantalon, ouais, ça te coûte 60 balles au moins. Ouais. Et puis, ça se voit dans les magasins. Généralement, t'as un petit rayon homme et les trois quarts du magasin rayon femme. Ou alors même dans la, enfin dans les rues nationales ou ce genre d'endroit où il y a beaucoup de magasins de fringues. Bah, les trois quarts, c'est des magasins pour les femmes. Après, t'en as pour enfants aussi et bébés tout ça. Et pour les hommes, ouais, t'en as un ou deux. Voilà. C'est parce qu'on nous pousse à consommer aussi. Enfin, quand, ah oui, quand on voit les collections de femmes, y a des jupes, des robes que les hommes, a priori, ne mettent pas par principe, mais qui pourraient très bien être mises par ailleurs. Enfin, y a tellement de, même des talons hauts, des choses comme ça, que les hommes, qui ne sont pas dans les collections dites hommes. Mmh. Donc, forcément, ça élargit les rayons. Donc, il y a, comment dire, pour revenir au point d'économie, déjà, arrêter de surconsommer quand on n'a pas besoin. Enfin, c'est comme un peu cette phrase qu'on haïssait quand on était petit, je sais pas vous, genre, je sais pas, tu passais devant une boulangerie avec tes parents et ah, je peux avoir un goûter. Il y a déjà un goûter à la maison. Ah. Oui, mais attends, non, c'est bien meilleur dans cette boulangerie, merde. Non, mais c'est ça, mais enfin, c'est être son propre adulte après, tu vois, parce que bah oui, les tentations sont folles, il y en a un peu partout, mais se dire, bon, mais. Par contre, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut savoir se faire plaisir aussi, parce que certes, on se dit, bah non, faut pas que je surconsomme trop, mais de temps en temps, faut se l'avouer, il faut quand même se faire un petit plaisir, parce que si on va à l'extrême, non, je ne dépense que dans l'essentiel, bah on aura énormément de frustration, et la frustration, c'est quoi? C'est après énormément de dépenses ensuite, parce qu'on va vouloir dépenser des centaines d'euros d'un coup, alors que si on s'est dit, bah tiens, cette semaine, oui, je vais m'acheter un bon gâteau chez le bon boulanger-pâtissier, tiens, je vais acheter, je sais pas, 7 robes de bonne qualité, marque française, enfin... Oui, voilà, oui, après, ça fait vivre aussi d'autres commerces et tout. Mais t'as raison sur le fait que ça doit nous faire plaisir. On n'a pas forcément besoin d'investir dans tout. Oui. Parce qu'il y a des choses qui nous font plus plaisir que d'autres. Moi, par exemple, les vêtements, honnêtement, ça me fait pas kiffer d'avoir plus de pantalons ou plus de suites. Donc, je vais vraiment investir au minimum pour juste avoir des fringues qui soient correctes à porter. Mais par contre, il y a d'autres domaines où je vais peut-être potentiellement me faire plus plaisir si j'en ai l'occasion. Bah c'est ça, et en fait moi par exemple ce que je préfère acheter maintenant avec le recul, c'est des choses pour lesquelles on peut avoir on peut faire des activités entre guillemets avec. Enfin, dernièrement les achats que j'ai fait, c'est des vinyles, bah c'est un plaisir d'écoute, c'est par rapport à d'autres choses matérielles qui au final sont des plaisirs très éphémères, je dirais. Enfin, je pense que c'est un peu ça l'idée. Mais surtout, avant d'acheter, il faut savoir économiser un petit peu. Et il y a un petit tip que j'ai appris il y a un an et demi, je sais plus. C'est quand on reçoit un salaire ou des indemnités Pôle emploi ou autres revenus, directement mettre 20% de ce salaire de côté dès le début du mois. Avant même de payer le loyer ou quoi que ce soit. Ouais, c'est bien joué ça. 20% de côté. Déjà sur 1000 euros, ça 20%, fait... c'est énorme. Au final, ça le fait. Enfin, je veux dire, moi, ça fait un an et demi que je le fais et j'ai pu économiser quasiment 6000 balles en un an. Bah, alors, tout dépend effectivement des autres charges que tu peux avoir, notamment, je pense au loyer, hein, ou si on a des enfants, la charge que ça peut faire. Mais c'est vrai que quand t'es célibataire, même si tu gagnes pas énormément, que t'habites pas dans une grande ville, parce que quand t'habites par exemple sur Paris, ça doit être compliqué, ça me semble jouable, 20%, ouais. C'est ça, enfin, par exemple, sur 1000 euros, bah, ça te fait 200 euros à mettre de côté. C'est quelque chose qui est faisable, et du coup cet argent là on se le met sur un compte épargne à côté et on dit je n'y touche pas sauf pour des grands projets. Enfin, moi à exemple concret, surtout c'est bien de se dire 20% parce que en fait moi d'un mois à l'autre mon salaire n'est pas le même. Il y a des mois où je suis en chômage, il y a des mois où je travaille beaucoup et j'ai de l'argent, des moments où donc je travaille. Donc 20% ça change effectivement l'argent que tu mets sur ce compte. Enfin, au début, c'est vrai que ça fait peur. On se dit, oh là là, ça me fait de l'argent en moins tout de suite. Mais le fait de le mettre directement de côté, bah, la tentation n'est pas là. Et au final, ça sert pour des projets. Enfin, moi, je mets cet argent de côté parce que j'ai pour projet d'aller au Canada d'ici la fin de l'année. Donc, je me dis, c'est pour quelque chose de grand. Et au moins, ça évite l'aspect un peu... c'est plus viable que d'avoir, par exemple, le cliché du petit cochon dans lequel on met des petites pièces quand on veut. Voilà. Non, là, c'est plutôt concret. On se dit, il y a ce compte qui est au chaud. Oui. Et il bouge pas. Alors, et puis maintenant, avec les applications, tu peux facilement voir l'argent que tu as sur l'un, sur l'autre, faire des changements en cas de besoin, rebasculer aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt facile, mais je suis d'accord avec toi sur le fait de mettre de l'argent de côté pour un truc. Et en fait, quand tu te le payes, tu as vraiment l'impression d'avoir mis ton argent de côté pour ça. Ouais. Alors que sinon, ça se noie facilement à travers tes comptes bancaires et tu vois pas forcément où tu vas dépenser de l'argent. Mais c'est comme quand on t'offre de l'argent, même si c'est peu d'argent, t'aimes bien acheter quelque chose avec cet argent-là parce que tu te dis, cet argent-là a été utilisé pour ça. Mais si vous voulez. C'est satisfaisant d'arriver au bout de ces projets comme ça en disant, tiens, j'ai mis un an. Mettre de l'argent de côté puis tu vois ton projet qui voit le jour, c'est sûr. Mm-hmm. Ouais. Mais si vous voulez, j'ai une astuce pour partir au Canada à petit frais, à petit budget. Sans rien dépenser. Ouais. En étant boulanger, paye, c'est ça. En étant boulanger, vous ne dépensez que dalle. Vous avez le logement et tout. En plus, on manque de boulangers. Mais alors, ne partez pas au Canada parce que déjà on manque de boulangers en France. Alors, si vous partez à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Alors, devenez infirmière. Ça revient en même. C'est pareil, on manque d'infirmiers aussi en France. Faut pas s'étonner. Ils sont tous partis au Canada. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'effectivement, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, non. Ils nous le payent. C'est payant, mais pas pour celui qui part. Ouais. Ils nous c'est le payent, ils nous aident. Voilà, donc, si tu veux partir au Canada, alors vas-y, deviens boulangère, ça marche bien. Je n'ai pas forcément les compétences d'ailleurs. Je fais un bilan de compétences en ce moment et je mets de l'argent pour ça dedans. Donc, t'inquiète pas, Teddy va t'aiguiller. De toute façon, peu importe ce que tu feras, tu seras toujours aiguillé vers la boulangerie. Mais tellement. C'est obligatoire. J'ai pas besoin de faire le bilan de compétences, alors je sais en direct, grâce à Teddy, ce que je dois faire. Je serai donc boulangère. Il y a grande chance. Ça y est, ce soir, Laura a trouvé sa voie grâce à Teddy et c'est pas du tout du forçage. C'est ça qui est bien. C'est une astuce pour aller au Canada. C'est pas pareil. Non, mais il y a plein d'autres métiers où tu peux partir au Canada. C'est quand même assez simple. Le boulanger, c'est mieux. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur ton CV? Oui, effectivement, je voulais rajouter des choses. Donc, l'autre point que je voulais énoncer, ça rejoint le fait de mettre 20% de côté, c'est le fait de se fixer des gros objectifs d'achat pour se motiver, se dire, cette année, oui, j'ai envie de mettre de l'argent pour faire des voyages, j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour, faire plaisir à des proches, de la famille, tout ça. Voilà, se fixer des gros objectifs. Et pour ce qui est quelque chose d'un peu plus quotidien, disons, je conseille d'acheter tout en vrac. Parce que. Ah oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'au final, ça enlève le coût du plastique, du merchandising, du marketing, enfin bref, tout ce qui fait le packaging d'un produit. Par exemple, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand tu achètes du riz et que tu ramènes ton propre bocal pour mettre le riz dedans, ça te coûte beaucoup moins cher. Ça évite du coup la surconsommation. Oui, parce que quand tu achètes en vrac, en plus, tu n'achètes que la quantité nécessaire à ton usage. Voilà, donc, c'est un cercle vertueux. Tu achètes sans emballage, donc déjà, ça fait des choses à mettre à la poubelle en moins. Mmh. Ensuite, tu prends la quantité que tu veux, donc ça fait moins de gaspillage alimentaire. Ouais. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes quand on achète du vrac. Mais il y a de plus en plus de produits en vrac, que ce soit niveau alimentaire, mais aussi niveau produits de beauté. En fait, t'achètes juste ton savon brut comme ça, ou même il y a maintenant des shampoings, des gels douche, où tu ramènes ton flacon et hop, tu mets le produit directement dedans. Et même, dernière découverte que j'ai eue la dernière fois, c'était le maquillage aussi en vrac. Enfin, en gros, tu achètes le contenant en premier. Donc, par exemple, pour un mascara, tu achètes le contenant et le contenu. Et ensuite, tu ramènes ton contenant. Tu achètes des recharges. Et voilà, tu achètes les recharges qui vont avec. Donc, il y a plein de façons. Certes, au début, ça peut paraître être un prix, mais sur le long terme, au final, ça vaut pas plus cher que des mascaras qu'on achète dans d'autres magasins. Mais alors là, c'était quel type de magasin où tu as acheté ton maquillage? C'est magasin spécialisé? Non, c'est un magasin de vrac. Donc, pour citer, c'est le Day by Day qui est à Tours. Mais je crois que les autres Day by Day font ça aussi. C'est un magasin de vrac épicerie. Et en fait, ils ont ajouté un rayon maquillage et tout ça. Et du coup, ils sont en partenariat en fait avec une marque de maquillage naturel. Ça fait d'accord, très parce que pour positif, effectivement, il y a des supermarchés qui se mettent, et notamment sur la nourriture, je pense à ça, qui se mettent à faire du vrac et c'est plutôt bien joué. Après, point négatif, c'est souvent, les grandes surfaces se sont mises à faire ça. Mais bah nous, si on prend autour de chez nous, on n'a pas de moyenne surface qui font du vrac. Et c'est dommage parce que ça devrait se généraliser. Ouais. Après, il y a des magasins pour le maquillage, pardon, excuse-moi, pour les cosmétiques, le maquillage. Lush faisait déjà ça, les recharges, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Bah, je vais pas trop à Lush, c'est pour ça que. Ouais, mais enfin, s'il y a des gens qui ont ça dans leur quartier, Lush fait ça pour la cosméto et le maquillage. Moi, si ça existe à Lush, je sais que ça doit exister. Je pensais au parfum, par exemple, aussi. Il y a souvent ça dans les parfumeries. Une fois que tu as acheté le parfum, tu as la bouteille, ils peuvent se recharger, se faire ressourcer. Oui, il y a des recharges, effectivement, pour les parfums aussi. Donc, au final, il y a plein de moyens de faire des économies, mais tout en étant écologique aussi. Si ça, c'est pas bon. Sinon, pour faire des économies au niveau du parfum, vous allez dans une parfumerie et puis vous prenez des échantillons avant de partir au travail. Et tu te fais parfumer à chaque fois. Tu vas dans une parfumerie différente à chaque fois. Puis il y a toujours le vendeur ou la vendeuse qui dit « Vous voulez vous faire parfumer ?» Oui, oui. Et voilà. Ça me plaît pas. Je reviendrai demain. Tous les matins, tu testes un nouveau parfum. C'est ça, parfait. Ah, l'astuce. Astuce, pas cher, pas cher. C'est clair. D'autres choses, non? C'était mes conseils pas chers pour économiser au quotidien. Je sais pas si vous aviez d'autres recommandations, d'autres conseils à donner. Deviens boulanger. À nos chers auditeurs. Oui, être boulanger, bien sûr. Dans l'idée d'être boulanger, l'idée de faire soi-même aussi. Oui, ouais. Bah, le pain par exemple. Mince. Faire la cuisine, le pain. Non, mais en vrai, tu dépenses moins cher à acheter des matières brutes que à acheter certains plats surgelés. Pas hyper bons ni pour la santé ni pour le porte-monnaie. Non, mais moi je pensais plutôt au voyage. Hein, être boulanger, ça réduit bien les frais, hein, clairement. Non, mais c'est. Et tu sais, on a la pub L'armée de l'air. Mais là, c'est le Canada recrute. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, ça marche dans beaucoup de pays au monde. Alors, je dis pas de devenir boulanger, mais renseignez-vous au pire si vous voulez voyager dans un pays X ou Y. Renseignez-vous si votre métier est recherché dans là-bas. Dans les pays X ou Y, il y a toujours le working holidays ou les choses comme ça. Ouais, mais il y a des métiers qui sont bien recherchés et d'autres pas du tout. Ah oui. C'est ce que je voulais dire. C'est sûr. Vérifiez que votre métier. Plus tu as la chance de partir. C'est tout. Antoine. Oui. On va parler astuces ménage dans quelques minutes. Ça te va? Ouais, c'est ça. Et bah, juste avant, on écoute Lindsay Sterling avec Elements, la petite chouchoute de Telly sur Indestar dans cette émission La Maison du Lundi Soir. Bon début de semaine chez vous, c'est Indestar. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et bienvenue à la maison, bienvenue sur Indestar, indestar.fr. Pour suivre cette émission spéciale astuces, on vous donne quelques tips ce soir pour vous faciliter la vie. Et notamment, l'une des tâches que l'on adore et qu'on doit faire chaque semaine, c'est le ménage. Voilà, ça c'est mon moment préféré. Le dimanche, je me dis chouette, c'est le moment du ménage. Ou pas. Ah, toi aussi, tu fais le dimanche? Non. Ah oui, non, le dimanche, moi c'est le... de quoi non, Teddy? Non. Il fait pas le ménage. De quoi je fais pas le ménage? Je sais pas, c'est ce que t'as dit en fait. C'est le chat qui fait le ménage, il l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui fouille dans les poubelles. Ah ouais, non, mais le chat fait son ménage de son côté, tu vois, mais moi je suis obligé de faire un petit peu le ménage, hein, alors, comme si. Beaucoup de gens. Alors théoriquement, il fait. Je n'ai pas non Théo plus fait... de personne qui s'occupe de faire mon ménage. Oui, Teddy. Tu fais plus souvent le ménage dans ta voiture que chez toi, je crois. Oh, tu exagères. Non, mais ma voiture est propre. Tu passes combien de fois par semaine ta voiture à la laverie? Non, mais une fois, et encore, une fois des fois il m'arrive qu'elle fasse une fois et demie sans être lavée. Hein. Donc, non. En vrai, c'est aussi souvent la voiture que la maison. Ouais, c'était pour rire, c'était de la honnête, il me semble logique hein, finalement, parce que je passe beaucoup de temps dans ma voiture qui est un petit espace où forcément tu vas salir plus rapidement l'entièreté de la surface que dans mon appartement où j'enlève mes chaussures en entrant chez moi, donc finalement il y a moins de poussière au sol. Bref, donc je fais le ménage comme beaucoup de gens et peut-être que je n'ai pas toutes les astuces pour faire le ménage correctement, mais heureusement Antoine ce soir est là et Antoine est un professionnel, non pas de la boulangerie mais du ménage, donc forcément il a des astuces à nous donner. Ouais, là ce que j'ai fait c'est que j'étais sur internet. Ah bah oui. j'ai fait de toi un professionnel et le mec bon alors c'est clair, j'ai fait les gars, tu vois, c'est comme sur internet parce que en fait moi si tu veux quand je fais le ménage chez moi, c'est que j'utilise les produits que j'utilise déjà à mon travail. Ouais. Donc toi, je t'utilise pas le même produit que toi, j'utilise actuellement. À part quand je fais les machines à laver, tu sais, des fois, tu mets un petit peu de vinaigre blanc. Quoi ? Moi, ah, j'ai horreur de cette si, odeur du vinaigre mais blanc. Mais ça sent rien. Mais ça adoucit si, vachement. Ouais, non, ouais. Ça sent le vinaigre blanc. Tu peux enlever le calcaire aussi dans les machines à laver, le vinaigre blanc. Ah mais ça a plein de vertus le vinaigre blanc, mais j'ai horreur de ça. Ma mère fait le sol avec du vinaigre blanc et je t'avoue moi ça m'écœure en fait cette odeur. Ah mais faut diluer chaque pas... fois. Hein? Moi ça me donne faim à chaque fois l'odeur du vinaigre blanc. Ah non, ça me donne pas faim du tout. Hein. Faut pas trop le boire hein, clairement. Donc bref, vinaigre blanc très bon pour la machine à laver donc. Voilà, et ceux qui ont des animaux, comme un peu tout le monde, hein. Ouais, ici, ouais. J'en chauffe moi. Pas d'animal. J'ai un peu peur des animaux. Si vous voulez une astuce pour nettoyer les canapés quand vous avez les animaux, parce que ça met des poils partout, il faut mettre des gants en caoutchouc et le passer sur le canapé. Et tu passes avec ton gant en caoutchouc sur le canapé. Ah, ça fait comment on appelle ça ? C'est statique. Oui, l'électricité statique. Ouais. Et tu peux même brosser ton chien ou ton chat avec. Enfin, tu le caresses et ça va enlever les poils qui sont prêts à tomber. Alors, ça enlève pas tout après, non plus, mais. Ça fait un chat tout chauve. Oui, non. Oui, non. Ceux qui allaient tomber, voilà. Ça peut. Oui, oui, ça oui. Peut. Mais au printemps, faut pas trop le faire parce que les chats ils ont tendance à perdre leurs poils. C'est marrant. Ouais, c'est une bonne astuce ça, effectivement, parce que sinon c'est hyper galère. Ou sur les manteaux, c'est pareil pour enlever les poils de chat sur un manteau. Mais faut passer l'espèce de rouleau à chaque fois. C'est assez marrant que Antoine nous parle de ça parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai la chienne de Maeva qui est en vacances actuellement. Je lui ai donné un bain et je me suis dit, ouais, je vais la peigner et tout. Et puis pour enlever les poils morts. Tu veux lui faire des tresses, tout ça. Non, mais j'ai utilisé la manique en caoutchouc pour la poser. Et ça marche, hein. Ça marche clairement. Ah, bah, ouais. Oui. Après, j'ai dû nettoyer la manique, mais bon, ça c'est un autre détail, on s'en fout. Oui, après tu passes sous l'eau, ouais, ça va. Oui, voilà, ça s'en va très bien. C'est très cool à faire. Ah, mais ça c'est une bonne astuce, effectivement, parce que c'est vraiment une galère les poils. Vu qu'on parle de peine, si vous voulez, pour la brosse à cheveux, parce que je pense à la pauvre femme aussi. Ah bah c'est bien ça. Enfin les hommes aussi. Parce que personne ne se brosse les cheveux. Ah mais c'est plus souvent les femmes. Parce que moi qu'est-ce que je brosse, j'ai pas de cheveux. Bah mais ça y'a que toi ça. Si on parle de toi. Je comprends. Bah on va dire j'ai une bonne calvitie bien avancée. Donc de toute façon c'est pareil, si Vin Diesel nous écoute ça va pas lui servir. Mais sinon ouais. Donc bah déjà faut déjà couper les cheveux qui restent dans la brosse avec un ciseau. Et après faut tremper la brosse dans de l'eau vinaigrée. Et ça va attartrer la brosse. Mais ça, y a ça pas fait tarte, quoi attends, ça enlève les poils restants, ça les dissout, c'est quoi l'idée? Ouais, bah en fait, ça enlève les poils et tu sais, ça la nettoie en même temps. Ah d'accord, ok, bon. Astuce donc, ouais. Ok, je peux pas, effectivement, moi je me brosse pas les cheveux non plus, mais pourquoi pas. Non mais c'est vrai qu'il a raison sur un certain point, il y a le cliché, même Maeva en fait, elle a souvent ça, il y a la brosse à cheveux, la grosse, celle que des filles ont dans leur sac à main, et qu'il y a toujours des cheveux qui restent dessus. Je comprends pas le délire. Qui a des brosses dans leur sac à main? Je sais pas, beaucoup de filles. Les femmes ont tout dans leur sac à main finalement, il n'y a pas que les brosses. On sait pas ce qu'il y a, on veut pas savoir. Ok. D'accord. Je serais pas étonné que tu me dises, Audrey, que t'as ton chat dans ton sac à main. Mais non, le chat il passe pas dans le sac à main. Ah bon? Si tu veux, il y a autre chose aussi que ma mère a là dans son sac à main. J'ai déjà essayé, ça passe pas. D'accord. Je sais qu'il peut y avoir des brosses à cheveux, je sais qu'il peut y avoir des cuillères. Parce que pour manger des desserts ou comme ça sur le pouce, c'est très pratique. Il peut y avoir. Ma meilleure amie a une fourchette. A une fourchette dans son sac à main. Pardon, Laura ? Critiquez, vous êtes bien content de mettre vos affaires dans les sacs à main des filles. Mais tellement ! Tout à fait, on est d'accord. Mais oui, ma meilleure amie a une fourchette dans son sac à main. Alors, c'est pas pour manger. C'est pour ouvrir les portes si elles sont verrouillées. Voilà. Ça, c'est du king. Excellent. J'adore. Non, moi, c'est quand je suis avec Camille dans sa voiture et qu'elle me demande d'avoir une cigarette. Oui. Mais laisse tomber, je mets 30 minutes à trouver de quoi faire des cigarettes. Tellement que c'est le bordel dans son sac à main. Il y a de tout. Ah, bah, il y a de tout. Ouais. Allez, ouais. Et est-ce qu'Anaïs, donc sa sœur jumelle, a la même chose dans le sac à main? Est-ce que c'est genre la... Ouais, c'est la même chose, sauf qu'elle, il y a des capotes en plus, donc... Ouais, mais c'est bien, ça. Il faut se protéger. Ah mais oui, non mais tout à fait, ça c'est... Parce qu'on rigole, on rigole. Non, et n'ayez pas honte de vous protéger, c'est très tellement important. Bah ouais. Bah oui, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut, moi, chez moi. D'accord. Ouais, d'accord. Mais pas dans ton sac à main, c'est pas pareil. Très bien, Antoine. On est ravis de savoir. Ça, ouais. Heureusement qu'on a eu cette info ce soir. Hein. Bah ouais. Pour faire des économies, privilégier l'achat de capotes que la naissance d'un bébé. Comme ça. Ça, c'est sûr que ça fait des sacrées économies. Hein. Et même, ça protège la planète en plus. C'est écologique. Voilà. On va tous faire ça. Astuce suivante, Antoine ? La grille des barbecues. Oui. Alors, c'est pas la saison, mais oui. Ouais, mais c'est bientôt la saison, dans quelques mois. Oui. Et qui dit qu'on peut pas faire de barbecue d'hiver ? Ah bah, ouais. Vas-y, hein. Je vous suis très loin, mais oui. Donc, il faut frotter un demi-oignon sur la grille avant de faire cuire le quoi que ce soit dessus. En fait, l'oignon va enlever les morceaux de nourriture qui sont restés dessus. Ah, ça va pas donner le goût d'oignon à ce que tu vas mettre à cuire dessus ? Oh bah peut-être, mais en même temps, si c'est de la grillade, c'est toujours bon. Après, ça peut aussi donner un petit goût à la viande aussi. Ouais. Après, si vos grilles sont vraiment genre la mort de la mort, on peut faire une pyrolyse dans un barbecue en mettant de l'alu sur le vide, hein, sur les grilles vides. Vous mettez de l'alu, vous allumez le barbecue, ça va chauffer hyper fort, faut rester à côté parce que sinon ça fout le feu. Mm-hmm. Mais ça pyrolyse et du coup, ça nettoie les grilles. Ah ouais ? Ok, bah parce que c'est vrai, c'est une vraie galère ça aussi de nettoyer des grilles de barbecue où à chaque fois faut se le taper normalement juste à la fin parce que sinon après c'est encore plus difficile. Donc là, le coup de l'oignon a tenté en tout cas. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire ça. Mm-hmm. Parce que nous, généralement, ce qu'on fait, c'est quand tu brûles la grille et après, si tu frottes avec une brosse de fer. Une brosse métallique, ouais. Mais c'est galère. Faut nettoyer chaque rayon individuellement. C'est quand même galère à nettoyer, ce genre de truc. Bah, sinon, faut le laver à chaud, en fait. Ça sera plus simple. Ou alors avec de l'acide. Mais c'est pas très écologique, ce que je dis. Hein, mais l'acide, sinon, parce que c'est ce qu'on utilise en boulangerie pour les fours. Ouais, ça marche de ouf. Ouais. Ça faut marche même pour les mains, pour te dire. tu ressors avec des mains de bébé. Mais bon. Tu m'étonnes. Ça, c'est fun. Ok. Les rayures sur les meubles en bois aussi. Comment les réparer ou les nettoyer? Ah, vas-y, je suis preneur. Alors là, faut mettre du vinaigre blanc et de l'huile d'olive. Faut encore mettre de l'huile du vinaigre blanc. Alors, franchement, toutes les astuces que j'ai vues, il y a souvent du vinaigre blanc. C'est vrai que c'est comme le citron, ça revient souvent, ça. Ouais. En plus, le vinaigre blanc, c'est vraiment pas cher. Donc, utilité économique. Et en vrac. Ouais, mais ça pue. Ouais, mais ça pue, ouais. D'accord. L'odeur reste longtemps, hein. Sincèrement, l'odeur, tu l'as une heure même pas. Ça suffit pour vomir trois fois, mais ouais. Je suis dans la team anti-vinaigre blanc. Quel fragile. Je suis dans la team anti-vinaigre blanc. Donc, tu m'as dit vinaigre blanc et quoi pour le meuble ? Et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. En gros, faut mélanger, faut faire un quart de vinaigre blanc et deux. Trois quarts ? Je crois que c'est le bon. Bah oui, ouais, certainement. Il y a marqué 2 sur 3, donc moi j'ai jamais été très bon en fraction. Alors, ça va être plutôt un tiers de vinaigre et deux tiers d'huile d'olive pour qu'il y ait 3 tiers. Ouais, voilà. En fait, tu fais un mélange des deux et après il faut que tu appliques ça sur. Normalement, ça supprime les rayures et ça rend les meubles un peu plus brillants aussi. Et ça nourrit le bois. Mieux que de l'encaustique. Vinaigre blanc et huile d'olive. Ok. Et que de l'extra vierge. C'est une recette du sud. Ils mettent du beurre dans le nord pour obtenir. Attends, du beurre demi-sel, s'il te plaît, parce que. Du demi-sel, évidemment. La Bretagne. Autre astuce, Antoine ? La graisse sur les placards de cuisine. What ? La graisse sur les quoi ? Placards de cuisine. Placards de cuisine. Oui. Sur les gonds. On fait cuire des choses, effectivement, au bout d'un moment, c'est graisseux. Ouais. Et là, faut utiliser de l'huile végétale et du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, ça c'est pareil, on retrouve pas mal hein, dans les pour tout ce qui est enlever les odeurs aussi. On met ça dans son frigo, on met ça dans plein d'endroits, à côté de la litière du chat aussi, pour que ça supprime les odeurs. Mmh. Ah ouais, je savais pas. Si vous avez une sale bête qui a fait pipi sur le canapé, vous pouvez frotter aussi au bicarbonate. Ça absorbe le pipi et ça enlève l'odeur. Ouais. Ma foi. Mais encore, Antoine ? J'ai le calcaire sur les robinets aussi, si vous voulez. Ah oui, ouais. Vas-y. Avec du vinaigre blanc ? Voilà. Non, mais arrêtez avec le vinaigre blanc. Il y a pas d'autre solution. Alors, Théo va en faire des cauchemars. Si, si tu veux, Théo, il y a une autre solution, c'est le pec citron. Ça marche partout aussi. Ouais, ouais, ça sent mauvais aussi par contre. Ou le truc de WC aussi. Non, ah si, mais j'ai fait ça moi pour la douche. Ah oui, mais dire que ça te décape, ça t'enlève tout le calcaire. Oui, mais que pour le calcaire, ça marche. Ça marche pas pour tout. Le pec citron, ça marche pour tout. Ah, tout. Je sais pas si ça marche pour même tout. Même pour le chien, tu peux le laver avec, ça marche. Pour la douche, ça marche. Il a pas entendu la blague. Le calcaire des toilettes, et j'utilise un produit que j'utilise déjà à mon boulot. Et ça s'enlève facilement. Mais c'est un produit industriel qu'on peut trouver dans le commerce ? Je pense pas, parce que déjà nous c'est le produit que j'ai pris au boulot. Et ça s'appelle Alcacid. Donc je sais pas si ça existe dans le commerce ou pas. Ça me dit rien du tout, je connais Alcatraz, mais. Alcatraz. Ah, ouais, non, mais. Bah, franchement, tu mets juste. Tu mets un petit. T'en mets un peu dans les toilettes, tu laisses agir genre 10 minutes. Après tu frottes un peu, d'après tu t'arraches à toi, puis c'est bon, c'est le calcaire qu'on va facilement. D'accord. Eh ben écoute, si on peut obtenir ce produit, pourquoi pas, mais Comme le disait Antoine, c'est sans doute un produit purement professionnel. Il y a peu de chances qu'on le trouve dans le commerce. Faudrait peut-être acheter ça genre à Métro, si vous connaissez. Ça s'adresse que. Après faut peut-être aller sur Amazon, un truc comme ça aussi. Ah oui. Peut-être. Peut-être. Il y a quand même peu de chances. Mais bon. C'est souvent adressé aux professionnels et on n'a pas les mêmes produits quand on est pro et quand on est particulier. Et c'est d'ailleurs un peu ça qui est... Dommage. Bah ouais, parce que en tant que particulier, on nous incite à la consommation, comme le disait Laura. On va nous donner des trucs, soit qui marchent pas totalement, soit qui est un peu pourri. On peut parler par exemple... Un beau packaging, mais pas forcément la bonne solution chimique à l'intérieur. Les shampoings par exemple. Exemple bête, nos shampoings à nous, y a beaucoup d'eau dedans en fait. Beaucoup. Ouais. Les shampoings professionnels que t'achètes que tu peux acheter d'ailleurs dans un salon de coiffure. Dans les magasins. Ah bah ça a rien à voir. Tu mets une petite noisette, voilà la mousse que ça te fait. Il y a pas la même. Mais c'est moins vendeur parce qu'effectivement au niveau du packaging de ce qu'on achète par exemple en grande surface, on trouve ça pas cher avec un packaging important. Ouais. Alors que en fait si tu achètes ça dans un salon de coiffure ou ailleurs, mais c'est des petites quantités et ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc t'as l'impression de faire une mauvaise affaire. Tout est une question. Enfin tu le disais tout à l'heure Laura, mais c'est vrai que l'appât du merchandising, il est là. En fait, tu vois un truc avec un bel emballage, avec un contenu qui te semble important, etc. Même si t'as 60% d'eau à l'intérieur, t'as l'impression de faire une bonne affaire. Ça, totalement. J'en ai une petite dernière, si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors ça, je l'ai vu parce que ça m'est arrivé une fois. C'est les serviettes qui sont le moisi ou les odeurs un peu fortes. Ouais. En tout cas, ça m'est arrivé que j'avais de l'humidité chez mon père. Et ça arrivait que les serviettes, elles sont comme ça. Ouais, c'est pas agréable du tout parce que t'as l'impression de te sécher et de sentir plus mauvais que quand avant de prendre ta douche. Bah, tu vas être content, Théo, c'est encore du vinaigre blanc qu'il faut mettre. En fait, c'est spécial vinaigre blanc qu'il nous a fait ce soir, Antoine. En gros, tu mets tes salades dans la machine à laver, tu mets 250 ml de vinaigre blanc sans lessive. Ouais. Et tu mets à 80 degrés, donc tu fais une lessive comme ça. Et après tu fais un deuxième cycle avec où cette fois-ci tu mets carrément une demi-tasse de bicarbonate de soude. Pardon. De soude. Ouais. Ouais. Et tu refais une machine à 90 pareil et tes serviettes vont redevenir. Ah oui, par contre oui, la machine à 90 ça marche pour les serviettes de toilette, mais faut pas mettre tous les vêtements à l'intérieur non plus hein, parce que sinon. Non, ça c'est pour les serviettes. Ouais, d'accord. Puis ça faut le faire une fois par an hein, parce que. Tous les jours, deux machines pour une serviette. Ça fait mal. Oui, et puis le tissu, au bout d'un moment, il va pas supporter non plus. Mais c'est vrai que ça peut être, c'est assez extrême, mais ça permet d'enlever toutes ces mauvaises odeurs. Ouais. Même la couleur, ça l'enlève. Je vois que ça m'est arrivé, puis franchement, c'est mieux. Ouais, bah oui, moi j'imagine. Ma foi. Bah merci Antoine, en tout cas, pour ces petites astuces ménage du quotidien. On a appris qu'il fallait absolument avoir du vinaigre blanc à la maison, ouais, même si ça sent mauvais. Donc vinaigre blanc plus pince à linge pour le nez égale maison astiquée. Voilà. Moi, je vais vous donner quelques conseils, quelques objets à avoir dans sa voiture dans quelques minutes. Indispensable si vous tombez en panne ou si vous devez dormir sur place ou qui peuvent vous servir au quotidien. J'aurais même un petit quiz de 3 questions histoire de se marrer. Ouais. Et puis juste avant, on a Ocean Avenue avec le remix d'Angèle, oui ou non, sur Indestar dans cette émission à la maison. À tout de suite. 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et on vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. Bienvenue sur Indestar, c'est lundi soir, tout début de semaine. Alors peut-être que la journée était difficile. En tous les cas, la soirée, vous la passez ici et elle sera bonne, c'est sûr. Avec quelques astuces qu'on vous donne ce soir, émission spéciale astuces du quotidien. On a eu celle d'Antoine à l'instant sur les astuces ménage. Hein, d'ailleurs, si vous avez loupé, émission podcast dès demain. Et voici quelques astuces automobiles. Que faut-il avoir dans sa voiture pour parer à toute éventualité sans non plus être un psychopathe et avoir la moitié de sa maison dans son coffre? Parce que ça fait bazar, n'est-ce pas? Donc, on va aller à l'essentiel, mais à des choses qui effectivement peuvent nous servir. Et déjà, je vais commencer par les choses qui sont obligatoires. Vous le savez, il y a le gilet jaune qui doit être dans l'habitacle et non dans le coffre, mais qui n'a pas forcément besoin non plus d'être exposé sur le dossier du siège passager. Un petit appel à tous ceux que je vois avec cette installation. Il y en a un peu moins aujourd'hui, j'ai remarqué. Hein, mais oui, mais c'est parce qu'il y avait eu le mouvement aussi. Sans parler du mouvement gilet jaune, effectivement, là, on avait mis... Mais sans parler de ça, au début, que c'était obligatoire. C'était au début des années 2010 et t'avais plein de gens qui mettaient leur truc en évidence, tu vois. Et c'est moche, un gilet jaune sur le siège. C'est clair. Alors c'est pas la sécurité, c'est parce que tu trouves ça moche. Ah bah parce que c'est moche, évidemment. Ah oui, d'accord, oui. Mettez pas Karl Lagerfeld, hein. Lui, il a dit que c'est moche, mais ça sauve des vies. Oui, mais ça sauve des vies, aussi bien dans un bac de portière, dans une aumônière de siège ou dans la boîte à gants, tu vois. C'est vrai que le fauteuil n'a pas trop d'intérêt. Le fauteuil n'a pas trop d'intérêt à porter un gilet jaune. Clairement. Le fauteuil n'a pas d'intérêt à porter un gilet jaune. Le fauteuil n'a aucun intérêt à porter un gilet jaune, est d'accord, Teddy. Ouais. Autre chose obligatoire, c'est le triangle de sécurité, donc lui qui doit être dans le coffre, ne le laissez pas traîner dans le coffre parce que sinon il va se balader, ça va faire du bruit et ça sera pas pratique. Mettez-le soit sous le tapis de coffre ou des fois vous pouvez carrément l'attacher dans le coffre, donc voilà. Ça fait partie des équipements qui sont obligatoires. Maintenant, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est quand même très pratique, il y a déjà la boîte d'ampoule. Alors je sais pas si vous avez tous la boîte d'ampoule dans votre voiture, au cas où. C'est pas obligatoire la boîte d'ampoule, sauf que en fait si tu te fais si t'es une ampoule de grillé et que tu te fais arrêter par les forces de l'ordre, tu risques une amende en fait si des fois tu vois pas en plus hein, qui te manque un clignotant ou voilà. Sauf que si tu as la boîte d'ampoule de rechange, enfin l'ampoule de rechange dans ta voiture, ça te permet d'éviter la contravention. Donc tu changes ton ampoule sur place et tu repars avec ta voiture sans contravention. Donc c'est quand même hyper pratique. En plus de la sécurité, ça t'évite l'amende. Attends, ce qu'on entend pas un truc, c'est que tu dis que tu sais que tu vois pas forcément que t'es une ampoule qui grille. Oui. Mais je veux dire, tu sais qu'à l'auto-école, on t'apprend quand même de tous les. Enfin, en marche, à chaque fois que tu utilises ta voiture, de faire au moins le tour de ta voiture, voir si t'as pas une ampoule de grille. D'accord, mais bien sûr. Que tu fais vraiment, Antoine. À chaque fois que tu prends ta voiture. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que mon grand-père faisait ça. Hein. À chaque fois qu'il prenait sa voiture, il décollait ses essuie-glaces, il vérifiait que tous les voyants fonctionnaient avant de prendre la voiture. Mais j'avoue, je le fais pas. C'est beau. Voilà. Non, moi, je le fais pas tout le temps, mais des fois, ça m'arrive. Tu sais, quand je la fais chauffer un peu, ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, tu sais que je mets un peu les clignotants, je mets les warnings, je mets tout le bordel, puis genre ça fonctionne bien. Ah ouais, alors non, moi je fais ça jamais. Chauffer une voiture. Oui. Chauffer une voiture, mythe ou réalité? Alors, réalité. Il faut faire chauffer. Pardon? Après, t'es pas obligé, ça dépend. La fois, ça peut être du froid ou. De toute façon, la voiture a le temps de chauffer parce que, en fait, un moteur, pour être à température, il doit être aux alentours de 87-88 degrés. Donc, forcément, quand tu démarres ta voiture, même s'il fait chaud dehors, elle est jamais à 88 degrés. Il faut un moment pour que la voiture puisse chauffer. Donc, durant cette période, alors ça arrive relativement vite. Après, ça dépend de la température extérieure, mais en principe, ça met quoi? Ça met 5 minutes, tu vois, pour chauffer. Mais durant les premiers kilomètres, vu que la voiture n'est pas à température, il faut éviter de rentrer dans les tours avec sa voiture pour pas abîmer le moteur à ce moment-là. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, moi. Quand elle est pas chaude, bah calme. Ça dépend des bagnoles. Ça dépend de l'optimisation de la voiture. Alors sur les anciennes voitures à carburateur, de toute façon, fallait mettre le starter, comme les miennes, faut mettre le starter. Donc tu sais qu'elle est pas chaude. Et puis en plus j'ai un. Alors ça c'est malheureusement les voitures d'aujourd'hui n'ont pas forcément. Enfin les voitures d'hier non plus. Hein, mais sur la mienne il y a une jauge de température de moteur. Et donc tu sais que de toute façon elle est pas arrivée jusqu'à sa température tant que l'aiguille n'est pas arrivée à 90 degrés. Et donc tu sais quand est-ce qu'elle est chaude. Des fois t'as un voyant qui te signale qu'elle est froide et puis qu'après elle est rentrée en température. Ça dépend des voitures en fait. Mais si vous l'avez pas, de toute façon, oui, faut attendre un moment avant qu'elle soit à température et avant d'exploiter complètement le moteur. Les ampoules, ça c'est fait. Le cap de batterie, et on y arrive. Oui. T'es dit, pourquoi il faut un cap de batterie dans sa voiture? Qu'est-ce qui peut nous arriver sinon? Eh ben, il peut nous arriver de peut-être travailler à une demi-heure de chez soi et de oublier pendant toute la journée d'éteindre ses phares sur un parking d'un supermarché et que le soir tu reprends ta voiture et que ça ne démarre plus. Et là, t'es triste. Effectivement, parce que ta batterie a été vidée par tes phares, oui. Exactement. Mais ce petit inconvénient n'était pas trop gênant parce que j'ai pu demander à un de mes collègues de garer sa bagnole à côté de la mienne. J'avais mes câbles. Et j'ai pu démarrer et j'ai pu repartir chez moi. Et j'étais c'est content. C'est ça, parce que le principe des câbles est extrêmement simple. Hein, c'est-à-dire que tu branches tes câbles sur la batterie du voisin, avec le moteur démarré, tu le mets sur ta batterie. Et en fait, le contact que tu vas mettre sur ta voiture va utiliser l'énergie de la voiture du voisin pour mettre en route la voiture. C'est ça. Et si tu roules pendant un petit moment... du moteur, en roulant, l'inertie du moteur va recharger ta propre batterie. Et que ta batterie n'est pas morte, ça la recharge, effectivement. Par contre, si elle est morte, tu l'as dans le cul, Lulu, parce que là, ça rejoint... Si elle est morte, oui, tu le là, sais. Là, c'est pour Jolan. Tu le sais au bout d'un moment, parce que ça veut dire qu'elle ne recharge plus et tu pourras plus démarrer pour la fois prochaine. Ouais. Mmh. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a très peu de temps. La voiture était neuve et la batterie m'a lâché deux jours après. Quoi. Puis j'ai même un autre conseil aussi à vous donner par rapport à ça. C'est vérifier les attaches de la batterie. Je sais pas comment tu appelles ça, Théo. Les cosses. Ouais. Parce que moi, c'est ça, en fait, le problème, c'était même pas la batterie. La cosse avait perdu un écrou. Et l'écrou, du coup, ça fait un genre de coller, la cosse. Et elle serrait plus le petit bout de truc qui dépasse, qui est en plomb. Et oui, ça faisait plus contact, exactement. Et de temps en temps, ça devait toucher, mais pas trop. Et du coup, ça faisait fondre le truc en plomb. Vu que ça touchait que à certains endroits, en fait. Ça touchait pas uniformément tout autour. Et là, ça devient dangereux. Attention que ça prenne pas feu, quoi. Bah ouais, c'est dangereux. Et puis sans ça, de toute façon, oui, vous le sentez, hein, si ça fait plus contact, vous pouvez avoir la voiture qui broute ou vous savez pas d'où ça vient, ça peut venir de là. Ouais, mais ça, c'est quand tu roules. Parce qu'à partir du moment que ça le fait plus, quand tu roules pas, je pouvais même pas la démarrer, alors c'est fini. Par contre, petit conseil, si vous avez oublié vos phares, par exemple, que la matinée, et que quand vous démarrez la voiture, vous voyez qu'elle a du mal à démarrer, la voiture, ce que vous pouvez faire, et d'ailleurs, vous pouvez le faire dans toutes les situations, parce que ça soulagera de toute façon toujours la batterie, c'est que quand vous allumez, quand vous démarrez la voiture, vous débrayez. Parce que le fait de débrayer, en fait, alors déjà, d'éteindre tous les éléments d'accessoires, si vous avez du chauffage, si vous avez des phares, etc. Les phares, vous les mettez après avoir démarré, et non pas avant, hein, surtout. Mais en plus, vous débrayez, ce qui fait que le démarreur va entraîner uniquement le moteur. Donc, ça soulage le démarreur et ça enlève, en fait, tous les frottements qu'il peut y avoir au démarrage. Donc, si la batterie est relativement faible, elle aura besoin de moins d'énergie pour démarrer. Que si vous mettez tous les accessoires ensemble. Ah, voilà. Ça, c'est le petit. C'est pour faire mal, parce que moi, toi, la mienne, ma auto, quand je l'ai démarrée, je l'ai accélérée pour la faire démarrer. Ah oui, tu l'accélères, oui, parce que tu peux faire ça aussi, effectivement. Mais bon, ça ne soulagera pas, pas ta batterie. Injecter plus d'essence, en fait, dans ton moteur pour la faire démarrer. Bah, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. On m'a toujours conseillé sauf ces voitures-là. Oui. On m'a toujours conseillé d'accélérer au lieu de débrayer. Normalement, débrayer ça n'empêche pas, mais tu peux aussi accélérer, mais ça n'aura pas le même effet. Hein. C'est deux choses différentes. C'est pas pour les mêmes problèmes. Pardon, Teddy ? C'est pas pour le même problème. Non, c'est pas pour le même problème. Le fait d'accélérer un petit peu, ça va, oui, injecter plus d'essence en fait dans le moteur, donc ça va l'aider à démarrer. Et ça, c'est une astuce qui fonctionne, mais qui fonctionne pas. Enfin, pour les voitures anciennes qui ont un starter, il faut pas le faire en fait, parce que le starter justement va libérer plus d'essence que d'air dans le carburateur. Donc c'est ça qui va entraîner le moteur. Par contre, moteur chaud, il faut accélérer pour pouvoir démarrer facilement. Voilà, donc ça dépend des générations de voitures. Quelques outils aussi à avoir dans sa voiture. Est-ce que vous avez tous des outils, les amis, dans votre voiture ? Oui, c'est unanime. Alors, moi, je préconise, ça sert à rien d'avoir la moitié de son établi, hein, mais un set de clés à douille. Donc pour être sûr d'avoir la bonne, vous savez, les clés à 12, c'est des différentes grosseurs, hein, quand on dit les clés de 12, les clés de 13, etc. Je crois que moi, j'ai pas d'outils dans ma voiture. Ah, pas du tout. Ouais. Si, t'as peut-être un cric à la rigueur. Un cric. C'est toujours bien d'avoir une petite mallette, pas grand chose, hein, mais une petite mallette pour parer à toute éventualité. Donc la petite mallette de douille, ça c'est toujours bien parce qu'on a toujours celle qu'il faut. Dans le même esprit, une petite clé à molette aussi qui permet d'adapter en fait la grosseur de la clé. Alors, l'inconvénient de la clé à molette, c'est que des fois, vu que c'est assez gros, des fois ça rentre pas à tous les endroits. Mais par contre, ça dépanne, ça évite d'avoir des clés de tous les diamètres. Une pince multifonction. Ça, c'est pratique aussi. Alors, j'avoue que moi, je suis grand fan de la pince à étau. Là, vous savez, la pince où on bloque et puis après, après, ça a une bonne pression. J'adore cette pince-là. C'est ma pince préférée. Bref. J'en pince pour cette pince. J'en pince pour cette pince. Merci, Laura. Quel bon jeu de mots. Merci. Des tournevis aussi. Donc, au moins deux plats et puis deux cruciformes de tailles différentes. Et puis, des fois, dans le set de cladouilles que vous pouvez acheter, il y a certains coffrets qui ont aussi des embouts de tournevis. Donc, c'est bien de les avoir en plus pour avoir la grosseur désirée. Et puis, enfin, un petit marteau brise-vitre qui vous servira aussi à taper sur le démarreur en cas de problème, toi-même, tu sais. Lol. Ça peut servir. Bah ouais, des fois, ça démarre mieux comme c'est comme et ça. Et tu dis même pas le cric ou la clé pour la roue? si, évidemment. Mais ça, normalement, il est déjà dedans, non? Évidemment, ça, je vais en parler quand je vais parler de la roue de secours. Ah. Mais ça, c'est pas à avoir dans sa petite mallette de secours, ça. Normalement, c'est dans le coffre et logé avec la roue de secours. Par contre, de la ficelle, si vous avez une voiture un peu ancienne, ça peut toujours servir. Et puis, je vais faire de la promo, mais du WD-40, ça, c'est le produit qui peut vous servir d'ailleurs à faire plein de choses. Et on parlait de ménage tout à l'heure. Vous pouvez dissoudre des taches de chewing-gum. Vous pouvez faire énormément de choses avec du WD-40 à la maison comme dans votre voiture. Enlever les étiquettes d'autocollants. Sur les verres. Enlever les étiquettes d'autocollants WD-40. Non, mais on peut tout faire avec du WD-40. C'est ça. Vraiment, la moto, ça lubrifiait la chaîne. Mais oui, mais l'autre fois, j'en ai mis sur mes chaussures pour les cirer aussi. Enfin, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Non, si, je t'assure. Je t'enverrai le top 50 des utilisations du WD-40. Tu verras, Audrey, tu seras surprise. Voilà. Et puis par contre, t'as fait la fin de tes journées. Regardez le top 50 des situations. C'est le vinaigre blanc des bricolos en fait. Moi aussi, je regarde des youtubeurs. Ouais, non. Parmi les fluides qu'on peut avoir dans sa voiture, en plus du WD-40, on a deux choses essentielles et qui seront d'ailleurs essentielles si vous partez en vacances avec votre voiture. C'est du liquide de refroidissement et de l'huile de moteur. Donc l'idée c'est que tous les jours avant de partir vous jetez un coup d'œil sous le capot, c'est pas compliqué, vous avez deux choses à vérifier, c'est le niveau d'huile, donc vous savez vous avez une petite tige d'huile et vous regardez si vous êtes entre le niveau minimum et le niveau maximum, donc ça moteur froid hein, avant de partir, et si c'est pas le cas bah vous réinjectez de l'huile dans le moteur et le liquide de refroidissement parce que sinon la voiture peut chauffer et à ce moment-là c'est pas au bord de la route. Donc ça un petit coup d'œil tous les matins et puis si vous avez la réserve à l'arrière s'il vous manque 1 ml de liquide de refroidissement, vous le remettez dedans et puis c'est reparti quoi. Voilà. Donc et si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si ça se vide normalement, ça doit pas trop se vider, hein. C'est-à-dire que si vous perdez 1 litre chaque jour, c'est que vous avez une fuite quelque part et qu'il faudra s'y attarder à un moment donné. Voilà. Alors moi, j'ai la voiture qui n'utilise quasiment pas de liquide de refroidissement parce que je l'ai acheté au mois de mai l'année dernière. Mm-hmm. Depuis, j'en ai jamais remis et le truc, il a jamais bougé. Normalement, si la voiture, enfin si tout est en bon état, tu dois pas perdre de liquide de refroidissement. Mais on perd pas du tout. C'est juste que effectivement, c'est tellement important parce que s'il y a un manque, et la voiture chauffe et que ça cause des dégâts moteurs après, que c'est toujours bien de vérifier et d'en avoir. Je vérifie. Hein. Mmh. Non, mais c'est bien de vérifier. C'est comme l'huile, toi, l'huile, c'est pareil. J'en consomme quasiment pas. Ouais. Est-ce qu'en liquide, c'est pareil, c'est bien de le vérifier. Ouais. Est-ce qu'en liquide, je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Je dirais toujours avoir un petit bidon d'essence ou de diesel, ça dépend avec quoi vous roulez, un petit genre 5 litres. Moi j'ai toujours ça dans ma bagnole parce que je suis un peu tête en l'air et j'oublie souvent. En cas de... Ouais, tu fais pas gaffe à la jauge et ouais. C'est ça. Pourquoi pas, surtout dans le cadre des vacances, je pense aussi, parce que tu peux passer dans certaines zones où il y a moins d'habitation, moins de commerce et tu fais pas forcément attention, tu peux être piégé si t'as un petit réservoir, ouais. C'est ça. Ouais. Mais j'ai un gros, pourquoi mais j'oublie. Pas. Bah, même si t'es un gros, hein, ça marche. Il n'y a pas de problème avec la taille. Hein. C'est pas la taille qui compte. Oui. Hein, C'est les tourneries, d'accord. On est censé avoir une jauge quand même, mais bon. Oui, mais bon, c'est pas. Non, non, d'accord. Une roue de secours, oui, alors on en parlait tout à l'heure, ou à défaut, une bombe anti-crevaison. Alors, sur les voitures modernes, ils ont tendance à vouloir enlever les roues de secours pour faire de la place dans le coffre. Mais en vrai, c'est hyper pratique une roue de secours quand tu crèves au bord de la route. Donc si vous avez une roue de secours, tant mieux. Et à défaut, une bombe maintenant, anti-crevaison. Maintenant, ils mettent des galettes, non? Alors maintenant ils mettent même plus de galettes. Enfin ça dépend des voitures, mais les galettes, ok, ça comble. Enfin c'est pas aussi efficace qu'une roue de secours parce que c'est pas une vraie roue, donc vous pourrez rouler plus lentement, mais ça vous permettra d'aller au garage. Mais il y a des voitures qui se passent totalement de roue de secours. Donc ça c'est beaucoup plus embêtant. Si ça vous arrive, vous êtes obligé d'appeler la dépanneuse, ce qui est dommage pour une roue. C'est peut-être parce qu'ils ont des pneus anti-crevaison aussi. Ben, les pneus ont jamais été anti-crevaison, hein. Tu peux toujours crever. Tu peux rouler pendant 80 km à peu près sans que tu sois totalement à plat. Oui, bon, alors ça, c'est des... Hein. Ouais, non, ça existe. C'est des attrapes couillons, ça. Bah non, c'est un peu des attrapes couillons. C'est ce qu'on appelle la nouvelle technologie. C'est la nouvelle technologie. Ouais. En parlant de nouvelle technologie, il y a un truc qui avait été rendu obligatoire et puis qui ne l'est plus... Et pourtant, c'est pratique si vous buvez, c'est l'éthylotest que vous pouvez avoir dans la boîte à gants. Alors, par contre, il faut le renouveler, je crois que c'est une fois tous les deux ans. Donc, si vous sortez de boîte de nuit, que vous n'êtes pas sûr de. Voilà, ah, mais de ça n'existe plus. Oui, c'est vrai que les boîtes de nuit n'existent plus. Pardon, autant pour moi. Quand j'allais ouvrir, non, c'est toujours bien d'avoir un petit éthylotest dans la voiture. Ouais, des fois, il y a des boîtes de nuit qui font carrément les tests d'alcool aussi. Les tests d'alcool, c'est-à-dire, c'est pas l'éthylotest. Oui, c'est direct à la boîte que tu souffles. Ah ouais. Oui. Ah oui. Ok. Mais ça empêche pas d'avoir ça dans sa voiture au cas où. Voilà. Par précaution. Oui, et puis si tu reviens d'une soirée où tu sais pas trop combien t'as bu, savoir si tu vas te faire griller ton permis ou pas, quoi. Et si tu vas tuer des gens, accessoirement. C'est ça. Alors, ça marche bien, ça, si vous buvez de l'alcool. Parce que comme si vous êtes comme Théo, bah ouais, clairement ça sert à rien. Moi j'en ai pas besoin, effectivement, je fais de la place dans ma boîte à gants. Mais mais sinon c'est pratique. Un grattoir pour la neige. Théo, il a 40 000 tournevis, donc c'est la place de l'éthylotest. Exactement. Oui, un grattoir pour la neige. Bah en ce moment, vous avez vu, hein, il a neigé ces derniers jours et c'est quand même bien pratique d'avoir un petit grattoir pour gratter sa voiture avant de partir. Une couverture aussi dans le même esprit. Alors, si vous devez dormir quelque part dans votre voiture... Théo, quand il prend la voiture, c'est expérience Man vs Wild. Exactement. Non, mais ça peut servir. J'ai pas forcément la couverture, mais j'ai le plaid au cas où, le petit plaid, qui va bien pour le pique-nique quand c'est l'été, qui va bien si tu dois, je sais pas, ouais, une situation d'urgence, t'as ton plaid. T'es sous 90 cm de neige d'un coup, et tout d'un coup, et bah tu meurs. Et voilà, il y a le plaid. Heureusement, t'es sauvé grâce au plaid. Puis une bouteille d'eau, un paquet de chocolat. Oui, alors c'est pas mal aussi. non, c'est vrai, t'as raison, Audrey. Bouteille d'eau, un paquet de chocolat. C'est deux gâteaux. J'ai l'idée de mourir dans une tempête de neige, tu vois. Voilà. Ça j'ai une astuce aussi pour, tu sais, pour quand il gèle. Oui. Tu sais, au lieu d'utiliser le gratte-glace. Ah, attends, ne dis rien, Antoine, parce que j'ai un petit quiz de trois questions après et j'en parle. Donc, je voudrais pas que tu le spoil. Voilà, tu le diras si je ne l'ai pas dit. Ça te va ? un sac personnalisé pour faire ses courses aussi, parce que franchement, les sacs de courses des supermarchés, ils sont horribles, faut dire ce qu'il est. Donc moi, j'ai mon petit sac personnalisé au nom de ma voiture et aux couleurs de ma voiture qui est quand même bien plus classe dans le coffre. Alors là, voilà. Je suis pas d'accord. Sociopathe. Ouais. Non, alors, ouais, mais non, je suis pas d'accord. Il y a des sacs, ils sont très beaux. Y a pas que les sacs genre écrits avec Intermarché ou Leclerc dessus en dégueulasse. Ils font des sacs aussi personnalisés avec. Mon sac 205 GT, il est quand même vachement plus beau. Bah non, y a une voiture dessus. Bah oui, forcément, c'est pas un sac de voiture. Bon, ça c'est accessoire, dirons-nous, mais quand même. C'est comme les tapis de sol. Les tapis de sol, ils sont très utiles. On en parlait tout à l'heure. On monte dans notre voiture avec des chaussures. Donc, si on n'a pas des tapis de sol, ça salit la moquette. C'est dur à nettoyer. Mais attends. Donc, les tapis de sol, vous pouvez les sortir et puis les nettoyer plus facilement. C'est hygiénique. T'es en train de nous dire que tu n'as pas la paire de chaussures pour conduire la voiture ? Non. Je suis déçu. Ah, mais tellement. Je suis déçu. Je m'attendais à avoir les pantoufles dans la bagnole. Mais oui ! Tout bon conducteur de voiture a ça. Mais vous êtes moqueur. Non, mais les tapis de sol, bon, ça protège la moquette. Une carte de France aussi. Alors, vous allez pouvoir trouver ça hyper ridicule parce que maintenant, on a les GPS, tout ça. Mais, tellement. C'est quand même vachement utile d'avoir une carte de France dans sa voiture. Bah non, parce qu'il faut savoir la lire. Il faut savoir la lire, oui. Bah oui, il faut savoir la lire, effectivement. Ah, fin. Mais non, ça peut vous sauver si vous avez une panne de smartphone ou de GPS. Vous avez la carte de France, vous pouvez toujours vous en sortir, même si c'est on n'a plus trop l'habitude de lire les cartes de France. C'est pas compliqué. Mais moi, je me dirige avec le soleil. Hein. Avec le soleil. Tu prends une boussole. Imagine, c'est la nuit, Laura. Tu fais comment? Eh ben, Laura, elle lèche la route, tu vois, pour savoir le sens du vent. Elle sort le petit doigt. Ah, c'est par là. Et puis, plus globalement, alors là, je vais parler de choses plus modernes, mais une prise allume-cigare USB pour recharger le portable. Ah, c'est bien, ça. Ça c'est la vie. Quand même vachement utile. Ça, c'est la vie. Si vous n'avez pas d'autoradio Bluetooth, un kit Bluetooth qui va vous permettre notamment d'écouter Indestar en streaming sur le long du trajet pour pas vous ennuyer, hyper utile. Si vraiment vous avez un autoradio plus vieux, vous avez des transmetteurs FM qui permettent de connecter son portable sur une fréquence FM et puis en fait de mettre la même fréquence sur l'autoradio pour recevoir le signal Bluetooth, ça marche bien. Et puis autre solution, si vous avez les vieux autoradios à cassette encore, il y a les j'avais ça dans la 205 avant de changer de l'autoradio, c'est les cassettes avec la prise jack. Oui. Tout au bout. Tu mets ta cassette et t'as la prise qui se branche sur ton smartphone. Alors pour les smartphones qui ont encore des prises jack, parce que malheureusement il y en a de moins en moins, mais vous pouvez brancher comme ça directement sur le baladeur MP3 ou le smartphone. Donc c'est quand même pratique. Voilà, donc ça c'était mes petites choses à voir dans la voiture. Maintenant j'ai un petit quiz de 3 questions pour vous, pour savoir si vous avez bien suivi et que vous avez bien votre code. On va voir si vous êtes si vous êtes bon. Attention, vous êtes prêts? Vous pouvez jouer à la maison évidemment. Alors, situation numéro 1. J'ai de la neige sur mon pare-brise. Ça fait d'actualité, hein. Mais comme je suis très prévoyant, j'ai pris 20 minutes d'avance avant de partir travailler. Comment enlever la neige au mieux? Soit... Avec tes petites mains. Cherche... De quoi? Avec tes petites mains. Attends. Donc j'ai 3 possibilités. Soit je vais chercher de l'eau bouillie et la verse sur le pare-brise pour faire fondre la neige. Oui. Soit je sors le grattoir et je dégage chaque fenêtre avec. Soit j'enlève le plus gros avec ma manche de mon manteau imperméable et je fous la clim à fond après avoir démarré la voiture. Excellent. Je vais poser la question. Est-ce que tu comptes les points, Teddy? Bien sûr, je suis déjà prêt. Ok, super, Teddy. Alors, à toi l'honneur. Eh ben, franchement, je suis adepte des 3, mais je vais choisir la 2. Je sors le grattoir et dégage chaque fenêtre avec. Ouais, okay. Parce que c'est celle-là que t'as dû prendre comme référence. Audrey? Pareil, fenêtre et pare-brise, on entend. Hein. Oui, ah oui, toutes les... Oui. Que tu nous fasses pas le coup du... Ah bah non. On est d'accord. Laura? Je vais dire pareil et aussi je vais rajouter le fait sur pourquoi c'est pas la réponse A, parce que ça peut péter la vitre, hein, la différence chaud-froid, oui. C'est pas très bon. Oui et non. Clim, pareil, oui et non. Combat. Oui et non. Alors, parce que vous exagérez sur la température de l'eau. Le grattoir, ok. Antoine? Ah, j'ai le grattoir. Oh là là là là là là là. On est bon, hein? Non, c'était pas la réponse. Alors, j'ai précisé que j'avais 20 minutes d'avance. Ce qui fait que, en fait, le grattoir, si vous voulez, ça fonctionnerait. Sauf que putain, pourquoi... C'est l'imperméable. Ben, oui, c'est... Attendez, voilà. je vais revenir. Mais oui, pourquoi je m'embêterais à gratter, parce que ça fout froid aux doigts, hein, en vrai, de gratter la voiture. Les gants et les gandouilles. Et avec... tu joues avec des mots, franchement. C'est possible, c'est ouais, possible. Ouais. Nous, on a gagné, voilà. J'ai dit que c'était possible, mais j'ai dit que j'avais 20 minutes d'avance. Et effectivement, la solution 20 minutes d'avance. La plus efficace sera d'enlever le plus gros avec ma manche de mon manteau. Comme ça, je me ferai pas froid aux mains. Mais tu prends des gants. Mais si j'ai c'est pas de gants. Si c'est gelé, ta manche, elle sert à rien. Mais si ça enlève la neige. J'ai pas dit que c'était gelé, j'ai dit qu'il y avait de la neige. On ne m'écoute pas. Et ensuite, je mets... pour enlever le reste de la glace, on s'en fout, ou de la neige, je mets la clim à fond après avoir démarré la voiture. Le fait d'avoir démarré la voiture, ça va me permettre de chauffer ma voiture, donc ce qui sera bon pour le moteur. Et le fait de mettre la clim, alors déjà la clim, ça crée un air sec, donc ça réduit la buée, et puis vous la mettez à 17 degrés, ce qui fait que ça fera une différence de température, mais qui sera pas très importante, ce qui fait que ça va faire fondre la neige gentiment, beaucoup plus gentiment que effectivement l'eau brûlante dessus, parce que tu l'as tout à fait bien dit, Laura, faut surtout pas faire ça parce que ça risque de casser la vitre. Si, tu peux la le faire. La différence de température est telle que entre de l'eau bouillante et du froid de la glace ou de la neige, la différence sera trop importante. Donc là, ça fera fondre la neige en douceur. Et en plus, ça fait fonctionner la clim en hiver, ce qui est pas mal niveau entretien, parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'on va la mettre que l'été et comme ça, on la fait pas fonctionner en hiver et ça la préserve. Alors que c'est pas le cas. En fait, plus souvent elle est utilisée, meilleur c'est. Et c'est très efficace contre les embuages, la clim. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous l'avez. Évidemment. Est-ce que je peux te dire quelque chose ? Vas-y, Antoine. Et ceux qui sont comme moi qui n'ont pas de clim, ils font comment ? Eh ben justement, je dis si vous l'avez, parce que sinon c'est grattoir, bah, je suis désolé, moi c'est pareil pour moi. Je gagne le point parce que moi j'ai pas de clim. Non, donc m'en fous, t'as perdu. Par contre, si tu as ce mauvais joueur. Mais c'est vraiment, mais ah là, ça m'agace. J'aimerais. Non, t'es mauvais joueur. Non, pas mauvais joueur, je joue pas. J'aimerais rajouter un truc là-dessus par rapport à l'eau. Alors effectivement, l'eau bouillante, oui, c'est dangereux. Par contre, de l'eau tempérée, oui, on peut mettre de l'eau tempérée, ouais. Ça marche et ouais. Bah non, je suis désolé. Antoine n'a pas de clim. Il y a pas de souci, mais d'aller chercher le bac de flotte et nanani et nanana. Ouais. Parce que toi, t'es dit qu'habite en immeuble, ouais. Aller chercher la bassine d'eau à la maison, descendre les étages pour aller le mettre sur la voiture, c'est pas forcément ce qui est le plus cool. Si tu vois une gourde vide sans bouchon dans ma voiture, tu sauras d'où ça vient. Ah, tu gardes toujours la gourde. Des fois, il se trouve que ah non, mais c'est que des fois je descends avec. Je le sais en fait. Des fois, je descends avec et bah voilà. En fait, après, elle reste dans ma bagnole pendant X temps parce que j'oublie la remontée. Mais voilà. Bah, sinon, si vous êtes vraiment prévoyant et que vous savez que le lendemain matin il va geler et que votre voiture dort dehors, vous avez de la possibilité de mettre un carton. C'est hyper bête comme idée parce que si c'est très humide et que la neige fond un peu et que ça colle le carton à ton pare-brise, t'as l'air d'un neuneux. C'est vrai, t'as raison. T'as pas mis mon astuce quand t'as pas de grosse gratte. C'est quoi ton astuce ? Moi, je prends la carte d'identité pour gratter le pare-brise. Non, J'approuve. Alors, tu rigoles, mais ça marche très bien. Mais ça coûte rien d'avoir un grattoir et ça permet de pas abîmer sa carte d'identité. Ah bah attends, la carte d'identité aussi, elle coûte rien. Du pauvre quoi, d'utiliser sa carte d'identité. Non mais si vous voulez vous venger d'un ex ou d'une ex qui vous a saoulé, à l'époque où il y avait encore les CD, peut-être j'ai déjà utilisé un CD pour dégivrer mon pare-brise. Ouais, ok. Et du coup, ça raille tout, non ? Bah, c'est le concept, ça détruit le CD. Mais de la vengeance. Les gens n'utilisent plus de CD. Par contre, tu peux utiliser le vinyle à la rigueur. Lauren en a plein. Non, pas Freddy. Passons à la situation numéro 2, si vous voulez bien. Imaginons, attention, vous savez que je peux être vicieux, hein, donc faites attention maintenant. T'es vicieux. Oui. Situation numéro 2. Je crève sur l'autoroute d'une roue sur le côté droit. De quoi ? Il crève sur l'autoroute, clac, il meurt. Non, alors non, je crève je crève d'un pneu sur l'autoroute d'une roue sur le côté droit, donc opposé à la route. Je me gare rapidement sur la bande d'arrêt d'urgence pour soit trouver une borne d'appel orange pour réclamer une dépanneuse et te plaindre que là, franchement, ça tombe mal et que c'est leur faute s'il y avait un clou sur la route parce qu'ils avaient même pas annoncé sur les panneaux. Ou alors, marcher jusqu'à la prochaine aire d'autoroute, carjacker quelqu'un et faire le reste du trajet dans un nouveau bolide. Ou bien, changer ma roue parce que j'ai vu un tuto sur YouTube et qu'en vrai, c'est pas la mort. Hein. Bien sûr, j'ai mis mon gilet jaune, j'ai mis mon triangle et j'ai une vraie roue de secours et mon cric. Qu'est-ce que je choisis, Jolan ? Dans le doute, j'ai mis la 3. Franchement, t'es méchant. Là... Pourquoi suis-je méchant ? Parce que tu commences par Jolan et juste avant tu fais peur en disant ouais, faites attention, je suis vicieux. T'as pas honte d'attaquer Jolan comme ça ? On savait que tout ce que Théo était de serpentard de toute façon. Audrey ? Moi j'appelle la borne orange. D'accord. Antoine ? Moi aussi j'appelle la borne orange, machin là. Ok. Orange. Le français est comme non, même pas. Laura ? Borne orange. Ok. Et enfin, Teddy. Alors, Jolan, sois content. Je te suis. Non, mais tu changes ta roue, c'est tout. Non, tu changes ta roue. Sur l'autoroute ? Bien sûr, je m'en fous de où je suis. Je change ma roue. Yep. Alors, non, surtout, on change pas sa roue sur l'autoroute, même si elle est du côté opposé à la route, hein, comme je l'ai précisé. Bah, c'est pour ça qu'il fait chier, putain. On va trouver les fameuses bornes d'appel d'orange. Il y en a une tous les 1 km, 1,5 km, hein, donc c'est jamais très loin. Je devrais le savoir, t'es comment, t'es à 88 enquêtes des fois. Et ben voilà, il a pas regardé correctement. Alors, surtout, évidemment, avant cela, vous sortez quand même votre triangle et... non, le triangle, pas... J'ai dit une connerie. Le triangle, non, pas sur l'autoroute. Pas sur l'autoroute. Par contre, le gilet jaune, il est obligatoire. Vous passez de l'autre côté de la barrière, vous mettez vos warnings avant de partir. Vous allez trouver une borne orange et là, vous appelez. Donc, ça tombera forcément sur la société d'autoroute qui vous redirigera et pour vous envoyer un dépanneur. Vous êtes hyper con. On arrive. En général, ils décrochent, ils font ah ah, vous êtes hyper con, on arrive. Voilà. Et là, t'as beau leur dire que c'est de leur faute, ils croient jamais. donc, ils t'envoient le dépanneur, et là, si t'as une bonne assurance, tu payes rien. Voilà. Donc, mais surtout, lol. Non, la roue, ok, on a vu le petit tuto YouTube et on a tout ce qu'il faut, mais on fait ça sur le bord de la route si c'est pas trop dangereux, mais surtout pas sur le bord de l'autoroute. Parce que j'avoue qu'on est un peu inconscient avec Teddy. Non, mais moi je m'en tape. C'est à peu près 20 minutes l'espérance de vie sur le bord de l'autoroute. Oui, non, mais c'est vrai qu'autoroute, 130 km/h, ouais. Changer une roue, c'est un peu tendu. Bah, c'est ça. Ça rappelle une histoire qu'on a eue avec mon grand frère, mais c'était pas sur l'autoroute. Hein. Mm-hmm. C'était sur route. Non, bah, c'était entre Sigogny et puis. Alors je suis sûr que la plupart des gens savent pas du tout c'est, mais oui. Et en fait, mon frère, il avait crevé au bord de la route. Ouais. Puis sauf que son cric de la voiture, il a plié. Ah, pas de chance. Donc on a utilisé le suaire de Jolan plus chez mon grand frère. Mm. Et les deux ont plié. Les deux crics, ils ont plié. Et il avait mis quoi dans la voiture Je sais pas. C'était à l'avant. C'était quoi? C'était les pneus à l'avant, donc il y avait le poids du moteur, mais je veux dire... Bah normalement, oui, ça fait pour la voiture est censée supporter ta voiture. Comme quoi, pour moi, toi, je préfère m'acheter au moins un cric de pro qui soulève 3 tonnes, comme ça, moi, t'es tranquille. Oui, bah après, on va pas prendre le truc de camion non plus pour soulever la voiture. Il prend la moitié du coffre, on le parie à toute éventualité. Mais normalement, celui de la voiture doit convenir, mais bon, après, oui, il peut y avoir des... Attention, troisième et dernière question. C'est l'été. Vous venez de manger votre saucisse merguez taboulée. Ah, oh, j'en étais sûr. Putain. J'étais sûr qu'il allait sortir. Histoire de vous la remettre dans la tête. Et sur le trajet, vous vous apercevez que vous fumez. Enfin, plutôt que votre voiture fume. De la fumée blanche qui sort du capot. Elle a chaud. Oh tiens, je fume une cigarette. Je m'en rends pas compte. Je savais pas, je pouvais fumer, incroyable. Donc de la fumée blanche sort du capot, elle a chaud. Que faites-vous? Est-ce que vous vous arrêtez en urgence? Coupez le moteur et téléphonez à votre garagiste Kylian, dit Kiki. Mbappé. Kiki. Soit vous vous arrêtez, vous laissez la voiture tourner, mais vous ouvrez le capot parce que c'est beau de la fumée blanche. Ou alors vous vous mettez au point mort et vous vous dites que vous arriverez bien au bout du voyage vu que le reste du trajet est en descente. Ah bah ouais, carrément. Alors, soit on s'arrête en urgence, on coupe le moteur, on téléphone au garagiste, soit on s'arrête, on laisse la voiture tourner, mais on ouvre le capot, soit on se met au point de mort et on arrive comme ça jusqu'à la fin du voyage parce qu'on est en descente. D'après toi, Teddy? Alors, franchement... On roule au point de mort. Non, il y a deux réponses possibles, clairement. Parce que je m'en fous qu'il y ait de la fumée. Si c'est en descente, ouais, tu te mets au point mort, j'en ai un à battre. Mais je vais choisir la première parce que ça pue le piège quand même. Il est pris à chier, puis tu fais des gens, tu sais. Mais ça, je m'en fous. Okay. D'accord, la première. Ça, c'est une de tes réponses. Et la deuxième, c'est quoi? Bah, la première, celle que tu veux qu'on te dise. On s'arrête tout de suite et on coupe le moteur. Parce que je veux des points aussi. Je veux pas que dire des trucs courts, je veux des points. Antoine? Oui, moi, je connais déjà la réponse, c'est pas marrant. Ah, bah alors, d'accord, on va terminer par toi alors, Laura. Bah moi j'appelle Kiki parce que je vais dire hey Kiki, je comprends pas, j'ai mangé saucisse merguez avec du taboulé. Et du coup bah je comprends pas pourquoi ça fume, je vois pas le rapport. Et puis il me dit bah non, moi non plus je vois pas le rapport. Et puis ah d'accord, bon j'attends. T'attends Kiki, d'accord. Jolan, tu dirais quoi? Bon allez, pour aider Conan, je laisserai fumer parce que c'est joli. D'accord. Et alors, j'ai pas demandé à Antoine. Audrey? Appelle à un Kiki. Appelle à Kiki, d'accord. Et toi, Antoine? Alors, c'est faut s'arrêter en urgence. Et il n'y a pas besoin d'appeler Kiki, parce que généralement, c'est quand la fumée elle est blanche, c'est que la voiture est surchauffée et qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement. D'accord, donc toi, ça serait quand même la réponse 1 sans Kiki, alors? Ouais. D'accord. Sans coup de fil à un Kiki. Okay. Alors, c'est dommage parce que Teddy... Ouais. Avait bien commencé et il a foiré à la fin. Putain, et ça m'énerve parce qu'il y avait deux bonnes réponses possibles, mais c'était pas qui, c'était les deux autres. Mais évidemment que je fais ça, moi. Tu laisses au moment et tu descends, mais d'où? Alors, attendez. En fait, quand il y a de la fumée blanche, c'est que la voiture chauffe. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du liquide de refroidissement, etc. Enfin, le moteur chauffe. Donc, en fait, il faut surtout pas s'arrêter, couper le moteur et pas ouvrir le capot, parce que en fait, si tu coupes le moteur, ça veut dire que ton ventilateur qui refroidit ton moteur s'arrête. Et du coup, il refroidit absolument plus rien. Et donc, te téléphoner à votre garagiste Kiki, certes, il va venir, mais sauf qu'il constatera les dégâts. Donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Par je suis contre, pas d'accord avec toi, par contre, réponses... là. Pardon, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas totalement vrai, parce que dans la plupart des voitures que j'ai eues, le ventilateur oui. continue de tourner après que tu aies utilisé la bagnole. Il continue pendant un petit moment. Un petit moment, genre 5, ouais, 5 10 minutes peut-être, ça dépend du trajet que t'as fait. 10 minutes, non. Ça dépend, mais, oui, j'exagère. De toute façon, il va, mais... s'arrêter, il va s'arrêter rapidement oui. ton ventilo. Alors que si tu laisses tourner ta voiture au ralenti, t'es mais sûr que ça va continuer. Donc les deux autres réponses étaient bonnes. La première, tu t'arrêtes, tu laisses la voiture tourner, mais tu ouvres le capot, parce que forcément, si tu ouvres le capot, ça va faire de l'air au moteur, donc ça la refroidira plus rapidement. Pas parce que c'est beau la fumée blanche, hein, mais parce que ça va l'évacuer surtout. Et la troisième était tarabiscotée, certes, mais était une bonne réponse, parce que si effectivement le reste de ton voyage est en descente, le fait de rouler, ça fait de l'air au moteur. En fait, le fait de rouler, ça alimente beaucoup d'air. Donc si tu te mets au point mort, ça veut dire que ton régime moteur est au ralenti. Et avec l'air que ça apporte, c'est un peu comme si tu ouvrais le capot, en fait, ça va injecter de l'air au moteur, donc refroidir le moteur. Mais voilà. Ouais, mais attends, il y a un truc qui va pas sur ta réponse. Parce que. C'est que. À l'auto-école. Parce que c'est pas l'auto-école. C'est illégal, en fait, de rouler comme ça. L'auto-école, ils t'apprennent si, toujours jamais illégal. Se mettre au point mort dans une descente. C'est super dangereux. Ouais, ouais. Mais moi, je le fais tout tu le temps. Tu as raison. Non, Antoine a raison, c'est déconseillé dans une grosse descente, genre si tu dévales une montagne, le fait de te mettre au point mort, ça va engendrer que au bout d'un moment, tu vas pas utiliser ton frein moteur et tu vas utiliser tes freins uniquement et les freins vont chauffer au bout d'un moment. Donc en plus d'avoir ton moteur qui chauffe, tu vas avoir tes freins qui chauffent. Donc on est d'accord que si tu le fais longtemps, ça va pas fonctionner, ouais. Ouais. On est d'accord, mais là dans le côté humoristique de la chose, je ne jouais pas sur le côté frein. Je me disais que voilà, on va aller jusqu'au bout du voyage comme ça, parce que sur une petite pente, voilà, on y va en douceur, à 40 km/h, on arrive jusqu'au bout. Donc c'est ta question qui est mal formulée. Clairement. Qui a des points sur l'ensemble des questions, Teddy? Antoine a un point, Laura a un point et Audrey a un point. D'accord. Parce que Théo il triche. Sur moi, parce que Théo les formule hyper mal. J'ai combien de points? J'ai 2 points, moi, je crois, non? Non, non, t'as 0. Hein. Si je t'ai pas dit, c'est que t'as 0. Et suite quand même. À quel moment j'ai 0? Bah, à quel moment? Ah non, il a un point parce qu'il avait une. T'avais pas dit les deux bonnes réponses? Ah si, la dernière. La dernière, il a dit, ouais. Ouais, mais la dernière, je l'ai pas compté, c'est pour ça, mais oui. Si, t'as un point pour la dernière. Désolé, Jolan. Voilà, donc tout le monde a un point finalement. Non, moi j'ai pas de points. Ah, sauf Teddy. Voilà, Teddy est dernier. Par contre, je reviens sur mon liquide de refroidissement. Si ça vous arrive, si vous chauffez, c'est bien de faire en sorte de refroidir la voiture. Par contre, il faut déjà, après, contrôler le liquide de refroidissement, si vous en avez toujours suffisamment. Et sinon, vous allez les chercher, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait en avoir, donc vous allez en réinjecter dedans. Deuxièmement, trouver la panne, c'est-à-dire que c'est soit vous êtes en condition extrême en montagne avec la caravane à l'arrière, etc. Donc là, ça peut être à cause de ça, mais sinon, ça peut être ce qu'on appelle le calorstat qui est pas ouvert, c'est-à-dire c'est une espèce de une vanne en fait qui s'ouvre à une certaine température du moteur, justement quand le moteur arrive à température, et qui va permettre de le refroidir. Donc des fois, ça peut qu'au bout d'un moment. Sauf que comme on n'est pas des bricolos gigolos, et ben on appelle Kiki de toutes les manières. Donc après, c'est bien de faire vérifier avec Kiki. Oui, si effectivement vous dites que, enfin, vous voyez qu'il y a du liquide de refroidissement qui manque et que malgré que vous en remettez à chaque fois, ça se vide, etc. Il faut aller au garage. Ou si ça se trouve, il y a une fuite du radiateur, des durites, etc. Et là, de toute façon, il faudra aller au garage pour faire en sorte de réparer le problème. Donc au final, les trois étaient bonnes. Ah non, parce que mon le kiki, là, si tu veux pas abîmer ton moteur, il faut d'abord que tu fasses en sorte de le refroidir correctement. Parce que si tu laisses le capot fermé et que t'éteins le moteur, il y a de grandes chances que effectivement là t'aies besoin de kiki, mais que ça te coûte beaucoup plus cher. Parce que si ça endommage ce qu'on appelle le joint de culasse, vous avez certainement entendu parler de ça. Ouais, j'ai déjà c'est un truc tout. Oui, bah c'est un truc tout bête en fait, le joint de culasse. Hein, ça s'appelle comme ça parce que c'est un joint qui est entre deux parties du moteur et qui est super galère à changer et qui peut, si on le contrôle pas, en fait, endommager le moteur parce que il y a ce qu'on appelle de la mayonnaise. Alors c'est pas de la vraie mayonnaise, hein, mais il y a le liquide de refroidissement qui se mélange avec l'huile parce que ça passe pas où il faut et ça fait pas du bien au moteur et ça, on peut risquer après la casse moteur. Donc ça fait vraiment du mal. On a pas un jingle de turbo là à lancer? Non, j'ai pas. J'ai peut-être un jingle starter si tu veux. Non, j'ai pas non plus. J'ai qu'un jingle Black Pragmatique et un jingle Teddy, donc. Il va falloir qu'on télécharge un morceau on de turbo. Le jingle starter. Mais j'ai terminé avec le joint de culasse. En tout cas, si ça vous arrive, faites contrôler la voiture, ça lui fera pas de mal. Voilà pour mes petites astuces. On passe à la suite parce que dans un instant, Jolan, tu vas nous parler. Des activités que l'on peut faire pour s'occuper, alors sans travail, mais surtout pour rester dans une dynamique d'emploi. Ouais, ne pas perdre de pied quand nous sommes au chômage. Exactement. Et avant, on a Tay Tay, ou la reprise de Taylor Swift, avec Tiffany Elvord, c'est Unit Countdown sur Indestar. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Sur Indestar et nulle part ailleurs, bienvenue chez vous et bienvenue sur indestar.fr et toutes les applis d'écoute en ligne. Peut-être que vous êtes en ce moment confortablement installé dans votre lit, prêt à vous endormir, mais il faut pas parce qu'on a encore plein d'astuces à vous donner ce soir pour être mieux dans la vie. Des petites astuces du quotidien qui vont vous faciliter l'existence. C'était haut, ça va bien se passer. C'était avec le cœur, hein, c'était dit avec le cœur. Ouais. Et Jolan a quelques astuces pour s'occuper quand on est sans travail, mais pour rester dans une dynamique d'emploi et ne pas perdre au pied, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme à la piscine. Exactement. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Bon, du coup, la première chose à faire quand on est sans emploi, c'est entretenir notre réseau professionnel, donc essayer de garder contact avec nos anciens collègues si on peut, et puis si on a créé certains liens d'amitié. Ah oui. Donc, par contre, si t'aimais personne au travail, c'est mort. C'est un peu compliqué. Clair. Mais après, moi, je vais prendre l'exemple. Je suis toujours en contact avec mon ancien chef de cuisine, donc ça fait bientôt un an là, et tu vois, donc elle est toujours dans le coin au cas où s'il y a une offre d'embauche et tout, elle me proposera un poste et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux te rapprocher légèrement de ton micro, Jolan, parce qu'on t'entend de loin. Vous m'entendez mieux là? Ouais, ah ouais. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais je disais que. Oui, en fait, on a entendu. Oui, on a entendu, mais c'était un peu loin. C'est qu'on veut pas que tu répètes là. Oui, bah, je vais pas me répéter du coup. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir des réseaux sociaux aussi, qui est important, parce que ça aide à rester en contact avec tout le monde. Bon, après, on n'est pas forcément pas obligé d'avoir Facebook ou quoi, mais il y a par exemple LinkedIn qui est pas mal. C'est spécialisé de. Pour les entreprises d'ailleurs que mon père utilise pour des réunions à distance. Ah, tu peux utiliser ça, ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi. Alors ça dépend des métiers, mais tu mets ton profil et puis après tu peux avoir des gens qui te contactent, qui veulent même des fois monter des projets et qui sont en rapport avec ta profession. Ils vont aller un petit peu voir ton profil et puis se dire que pourquoi pas à toi, donc ils vont te solliciter. Donc ça c'est pas mal pour enrichir son réseau pro. Voilà. Pardon, t'as dit ? Même sur Facebook, en vrai, j'ai vu ça plusieurs fois. Facebook s'est mis à mettre des annonces d'offres d'emploi. C'est plutôt cool parce que c'est plus localisé en fait ce que t'as sur Facebook. Alors, que dans Facebook les met des annonces d'emploi et puis tu peux avoir des groupes aussi sur Facebook qui sont dédiés à certains métiers. Mais c'est pas négligé. Un réseau social comme LinkedIn est vraiment spécialisé là-dedans. Donc ça va plus centraliser. Ouais, et Facebook, moi personnellement, c'est pas le genre de réseau que j'utiliserais pour trouver un job, parce que bon, je, même si c'est un truc de libre-échange, moi c'est un truc qui me fait peur un peu, parce qu'il y a des chasseurs de tête souvent dans les entreprises, Oui. Le risque, bah, il faut pas forcément avoir peur. Bah, c'est pas... bah ouais. Bah non. Oui, c'est pas une mauvaise chose. Quand t'as une bonne tête, c'est bon ça. Ton patron, il... oui, non mais c'est que ton patron il vient, il va faire le curieux et tout, et il va avoir. Une... Bah ouais. T'as le droit, hein. T'es un être humain, t'as le droit d'aller voir ailleurs. Ah bah oui, mais attention. Alors ouais. Avec ça, de toute façon, ça c'est valable pour tout. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il faut les utiliser à bon escient. Et si vous voulez rechercher un travail, de toute façon, que vous passiez par Facebook et compagnie ou pas. Ton patron, il peut potentiellement aller voir ton profil Facebook. Ouais, et du coup, il peut tomber sur des photos qui peuvent te... Ah, mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu ailles chercher boulot ailleurs. Oui, c'est sûr. Et en plus de ça, de toute façon, maintenant, les réseaux sociaux ont bien évolué dans ce sens-là. Et on peut mettre que ce qu'on a envie de mettre sur ces réseaux-là et avec qui on veut les partager. Donc aujourd'hui, on peut très bien voir, enfin une personne comme ton futur patron peut très bien voir certaines choses que tu mets sur ton profil Facebook et il n'aura pas accès à ce que tes amis verront. Donc après, c'est à toi de faire le tri là-dedans et de mettre... c'est des paramètres. Dans les paramètres, ouais, de paramétrer pour que chacun... Ça s'appelle de l'apprentissage de l'utilisation des outils numériques. Exactement. Et justement, en deuxième solution, pendant une activité professionnelle, on peut prendre le temps de faire du bénévolat comme nous avec la radio, par exemple. C'est vrai qu'on n'est pas payé, mince. J'ai oublié. Incroyable. Petit exemple. Moi, je suis toujours pas payé. Je veux mon salaire. Par exemple, on a été formé pour faire l'animation. Enfin, on a été formé pendant plusieurs mois. Donc, faire des activités autres que rester chez soi, dans des assos, ça peut effectivement continuer. Permet d'avoir un programme, d'avoir du lien social, même. Tu continues la vie active, en fait. Parce que dans une asso, ouais, c'est comme au boulot. Et puis effectivement, d'ajouter des compétences à ce qu'on connaît déjà et pourquoi pas les mettre dans son CV après, ouais, si ça a un rapport avec l'activité. Un truc hyper pratico-pratique, vraiment basique de ouf. Pour les personnes, je conseille pour les personnes qui n'ont pas plus d'activité de travail, juste mettez-vous un réveil en semaine pour vous réveiller quand même à une heure correcte. Justement, j'allais y venir à ça. C'est aussi conseillé de garder un rythme de sommeil correct, une hygiène de vie, j'ai envie de dire. Bien sûr, Jolan. N'est-ce pas ? Bien sûr, Jolan. LOL. Ah oui, le sommeil, bon, c'est pas je veux pas dire, ce que je fais. Mais c'est pas forcément ce que je fais, mais c'est ce qu'il faut faire. Non, mais t'as raison. C'est ce que je dis, parce que je fais. Non, c'est pas très français. Je suis pas le bon exemple là-dessus, c'est sûr. Mais, on te connaît, Jolan. On te connaît. C'est quoi ? Hein ? On te connaît. Tout Indestar te connaît. Chaque personne qui écoute cette radio te connaît, Jolan. C'est garder un bon rythme. Et puis c'est vrai qu'on est vite décalé. On le voit même quand on travaille, quand c'est les vacances. Alors c'est le but des vacances, ça pique, évidemment. Mais de se déconnecter un petit peu. Mais souvent, quand on est en période de chômage, on se déconnecte vite. On ne sait plus vraiment quel jour on est, quelle heure il est, etc. Et c'est bien, t'as raison, Audrey, de s'imposer un rythme pour faire des journées, c'est-à-dire que quand tu vas téléphoner aux gens, t'es sûr qu'ils sont réveillés ou que t'es pas, il est pas 2h du matin et que toi tu vis mais pendant que les autres dorment. Et pareil avec les jours de la semaine, tu vas pas aller faire tes courses le dimanche quoi quand t'as un rythme. Exactement. Du coup, en parlant de rythme de sommeil aussi, il y a le rythme. Il y en a qui vont râler quand je vais dire ça, mais il y a le rythme du sport. Il y a pourtant une routine sportive, n'est-ce pas, Théo ? Fait du sport. Hein. Il est important de prendre l'air au moins 15 minutes. Si c'est de la marche, pas forcément sportive, mais c'est toujours intéressant de le faire. Il fait trop froid. Alors, je ne suis pas le bon exemple, je le fais pas. Mais le plus loin, c'est qu'il vise Théo, mais Joe l'est pas mieux. Il commence par ça, mais bon, c'est bien, t'avoues que t'es dans le même camp que moi, donc ça me rassure. Parce que avec Joe, des fois, quand on faisait de l'airsoft ou du foot, Joe faisait genre 10-15 minutes, et après, t'es comme ça, t'es frustré. Moi, j'ai arrêté, je fais une pause. Tout le long, tu le voyais plus. Il était assis sur côté, puis j'ai plus. Comme si les footballeurs faisaient des pauses au bout de 10 minutes. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est important d'avoir une routine sportive parce que ça crée de la dopamine, ça crée de la productivité. Donc, Ouais, on a parlé l'autre fois, effectivement, oui, ça crée des énergies positives qui donnent envie de faire d'autres choses. Ouais. Et puis en plus, quand on est en période de chômage, justement, on a le temps de le faire, donc autant en profiter. C'est sûr. Mais moi, le problème, c'est que ça me démotive. En fait, j'ai une période d'antidopamine avant, tu vois, en disant, faudrait que je fasse du sport. D'antidopamine. Mais je suis plus déprimé, si tu veux, avant de commencer, que ça peut m'apporter. Petite connerie, hein, ça. Petite connerie, non. Et du coup, la dernière chose, c'est se stimuler. Enfin, quand je dis ça, c'est rester optimiste. Parce que ce qui est dur, c'est quand on est au chômage, pour ceux qui sont encore en recherche d'emploi, bah, c'est de prendre des refus sur refus. Et ça peut nous entraîner dans une spirale de dépression. Et du coup, on n'y arrivera jamais, on ne sortira jamais la tête de l'eau. Et le but, c'est pas ça. Quoi. Donc, toujours rester positif. Et puis, s'accorder aussi des pauses de temps en temps. Parce que bon. C'est pas agréable d'avoir des refus tout le temps. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Mais c'est pour ça que le petit tips que je donne, moi, quand on se retrouve dans ces périodes-là, c'est que on rentre dans une spirale où effectivement on va envoyer des CV, on va envoyer des lettres de motivation, des candidatures, et plus on va en envoyer, au début, on se concentre sur vraiment ce qu'on recherche. Et puis après, bah, plus on a de refus, plus on envoie à des sociétés qui n'ont rien à voir avec ce qu'on recherche. Et donc forcément, potentiellement, vu notre CV et voilà, on se reprend encore plus de refus. Et quand on rentre dans cette spirale où on ne fait que ça de la journée, au bout d'un moment, c'est normal qu'on soit déprimé, parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été le résultat de ta journée? Tu t'es pris de refus et t'as envoyé de lettres de candidature, tu vois, pour schématiser. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est OK, se faire une candidature par jour, s'il y a matière, hein, évidemment, et un peu plus recentrer sur ce qu'on veut faire. Et par contre, se faire une autre activité dans la journée qui va être quelque chose de positif et quelque chose que l'on va pouvoir construire. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression, à la fin de la journée, de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, on est en train de faire, je sais pas, un pull en laine, on va avoir fait une manche. Ben, à la fin de la journée, on va se dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah, j'ai fait ma manche de pull au vert. C'est-à-dire que même si on s'est pris deux refus dans la journée, eh ben, au moins, on a construit quelque chose par rapport à hier, on a avancé sur quelque chose. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir au moins quand même quelque chose de positif et avoir l'impression d'avancer avec quelque chose dans sa journée. Ben, avoir des objectifs. Ou alors, ce qu'on peut faire. Bah après, moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment, c'est être intérimaire au pire des cas. Tu vois, une boîte d'intérim, et après, ils proposent du travail ou ils n'en proposent pas. Ouais. Ouais, mais ça et marche que quand justement ils te proposent un boulot. Mais du coup, par exemple, moi, je prends mon exemple qui suis en chômage en longue durée. Du coup, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs en fait. C'est pour pas tomber dans la dépression. Donc. C'est important pour les gens qui n'arrivent pas à trouver. Je pense aux restaurateurs en ce moment qui vivent une période difficile. C'est de se trouver des objectifs et de ne pas sombrer dans la dépression. Ouais, bah c'est sûr. Et puis, ce que tu voulais peut-être en parler, mais le côté auto-formation, oui. Durant cette période, forcément, on a du temps. Ben oui, oui. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est on peut avoir le temps de faire des formations pour l'informatique ou ce genre de trucs. Ah bah tout. Enfin, moi, je sais que j'ai profité de mes périodes de chômage pour faire des choses que je n'avais absolument pas abordées avant. Je parlais de la mécanique tout à l'heure. Moi, j'avais jamais touché même démonter une roue de ma vie avant de me retrouver au chômage et de me dire tiens, si je refaisais une voiture entièrement de A à Z. Et bon, grâce à Internet, en fait, on a tout ce qu'on veut dessus, des tutos, de la vidéo, etc., des forums qui peuvent nous permettre d'apprendre plein de choses. Je me suis mis à faire du plâtre, je me suis mis à faire... Ça se prête à pas mal de métiers. J'aurais pas imaginé à faire. De quoi, t'es dit ? Ça se prête à pas mal de métiers, au final. Tu peux faire beaucoup de choses en étant chez toi, beaucoup de métiers différents que tu peux apprendre... Au moins des petites bases. C'est ça, et quand t'as du temps, alors forcément tu vas pas faire ça entre deux journées de travail ou durant ton week-end, te mettre à apprendre des choses parce que t'as juste envie de souffler un peu le week-end ou de décompresser à la fin de ta journée. Mais quand t'es dans ces périodes-là, en fait, bah tu peux te dire tiens, j'ai envie de refaire, je sais pas, ma cuisine. Bah tu vas te mettre à décoller ton papier peint, à refaire le carrelage, à refaire ton placo. Enfin ouais, il y a plein de choses que tu te dis bah c'est pas grave, si j'ai pas terminé aujourd'hui, j'y vais à mon rythme, parce que bien évidemment faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux non plus, hein. C'est pas genre je vais refaire toute ma maison en 3 mois, c'est pas possible. On sait très bien que quand on apprend, on est là pour apprendre, donc ça sera pas forcément aussi bien fait, et on va y passer beaucoup plus de temps qu'un professionnel. Mais en même temps, on s'en fout, parce que si on y passe un mois au lieu d'y passer 2 semaines, qui aurait été le temps d'un professionnel, bah au moins on a appris quelque chose et on avait le temps pour le faire. C'est ça. Puis t'as la satisfaction de l'avoir fait toi-même aussi. Et la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Et ça quelque part, prix, c'est hyper gratifiant parce que, ok, on n'a pas d'emploi et on se reçoit des lettres de refus, mais en même temps, on a appris quelque chose et on l'a mis en œuvre. Il y avait des exemples concrets, donc ça, c'est cool. C'est ça. Du coup, moi, je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter, mais j'ai fait le tour de mes aspects. De la question. La question est vite répondue. Pour conclure, ouais, c'est avoir des objectifs et essayer de se faire plaisir en période de chômage, même si ça paraît difficile, il faut essayer de se faire plaisir. Bah, c'est un petit peu difficile, effectivement, notamment financièrement, et bien évidemment, mais des fois, on peut contourner un petit peu ce entre guillemets, problème en se faisant plaisir avec des choses simples et surtout en gardant la positivité, en faisant des choses qui nous gratifient. Parce qu'on a tous besoin de ça hein, dans la vie, on a besoin d'être... toujours on s'auto-évalue, en fait, malgré nous, et on a besoin de s'apporter... De s'apporter des preuves de choses qu'on sait faire ou qu'on apprend à faire pour que notre cerveau se dise hey, en fait t'es pas si inutile que ça. Alors, et surtout que je reviens à ce que tu disais, c'est que on s'auto-évalue mais on a tendance toujours à être trop exigeant avec soi-même. Ah bah on est souvent exigeant avec nous-mêmes, ouais. Enfin, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup de gens se rabaissent et se disent j'ai jamais rien machin. Alors qu'on est tous capables de choses. Après il faut savoir aussi accepter le fait d'être débutant dans quelque chose, c'est-à-dire que il faut pas se dire bah ouais tiens je vais commencer ça et je vais être doué, parce que quand on commence une activité on n'est pas doué, mais c'est normal en fait. Il faut accepter de pas l'être en fait, faut accepter de se dire tiens je débute, donc je sais pas n'importe quoi pour dévisser un boulon, bah au lieu de mettre 30 secondes bah je vais mettre 30 minutes. Ouais, voilà. Mais tant pis en fait, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, et puis quand on l'a fait 30 fois eh ben ça va beaucoup mieux. Voilà. D'ailleurs, c'est comme les métiers, c'est comme quand tu fais les métiers. D'ailleurs, comme moi, quand je suis rentré dans le ménage, à l'origine, ma vocation, c'était la cuisine, quoi. Toi, je passais de cuisinier à employé ménage maintenant. Ouais. Et après, ça, c'est pareil. Après, toi, ça, c'est pas du jour. Tu deviens pas homme de ménage du jour au lendemain. Non, tu l'apprends et puis t'as des automatismes que tu prends. C'est-à-dire que même quand tu changes d'entreprise, hein, même si, en faisant le même métier, si tu utilises des machines différentes, si tu utilises une organisation différente, si t'es organisé différemment au niveau du personnel, que les choses sont pas aux mêmes places, etc. Le lieu de travail aussi, donc lieu de travail fait que au début tu vas galérer un petit peu parce que t'as pas tes repères, et puis au bout d'un moment ces repères tu les prends, et en fait tes mains, tes gestes, etc. vont tout seuls aux bons endroits, et tu gagnes en réactivité et du coup en efficacité. En efficacité, merci Teddy. De rien. Ben voilà, je sais pas si l'équipe a autre chose à rajouter, mais moi j'ai fait le tour de la question. Non, je pense que c'était assez complet. On va écouter Audrey dans un instant, qui va nous donner quelques tips pour accueillir au mieux un animal de compagnie chez soi. Animal de compagnie, on est d'accord, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est dinosaure ou mammouth, on évite. Non, mais NAC, on peut, hein, y a pas de souci. Est-ce que les sœurs, ça compte ou pas comme animal de compagnie? Les sœurs? Ouais, mais sœurs, ça compte comme animal de compagnie ou pas? On verra. Tu leur demanderas. À débattre. Avant, on écoute Naska avec For the Brave sur Indestar dans cette émission à la maison. Parce qu'on est cons ou confinés, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. On n'est pas totalement confiné. Après, je vous laisse deviner la suite. Indestar, indestar.fr pour suivre cette émission en direct du lundi soir. Et comme tous les lundis soirs, de 21h à minimum 23h, hein, parce que ça y est, on l'a dépassé. On vous donne ce soir des astuces. C'est pas toujours le cas, des fois on parle d'autres sujets. Mais ce soir, c'est les astuces. Et Audrey, imaginons que y a un nouveau chat à la maison qui va débarquer chez vous dans quelques jours, va vous donner quelques conseils pour l'accueillir au mieux. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Chat ou pas chat d'ailleurs, ou pas chat, chien. Non. Alors moi, c'est un vrai pas chat que j'ai à la maison. Exactement, ouais, mais nourri aux croquettes de qualité. De qualité. Mais peu importe l'animal que vous ayez à prendre, que ce soit un poisson rouge ou un cheval, peu importe. L'important déjà, c'est de prendre le temps de savoir si on veut vraiment une bestiole et de savoir toutes les contraintes. Ouais. On ne le dira jamais assez, Malheureusement, la France est championne d'Europe de l'abandon. Il y a plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés par an, sur les routes des vacances, par exemple. Ouais. On réfléchit avant de prendre un animal. C'est pas parce que c'est mignon, cute, et que les enfants le réclament à corps et à cri. Après, ça peut aller de quelques années pour un petit hamster ou quelque chose comme ça. Mois, un petit hamster, non ? Ça dépend si t'en fais un casse-croûte ou pas. Hamster, hein. Ah, quand même Comme un lapin, hein, ça vit 3-4, enfin, ça peut vivre jusqu'à 5-6 ans. Mmh. Et puis en plus, alors, faut gérer la vie de l'animal tout au long de sa vie, la santé, les frais vétos, les frais de nourriture et la mort aussi de l'animal qu'il va falloir prendre en compte parce que ça reste un être vivant, jusqu'à plusieurs dizaines d'années pour des poissons rouges ou des chevaux ou même des chiens d'ailleurs. Qui peut vivre plusieurs dizaines d'années. Et c'est pas un investissement à faire à la légère. Alors oui, la vie peut changer, tout ça, on peut s'adapter, mais on pensera toujours à avoir en objectif, en tête, le fait que prendre un animal, c'est pour toujours jusqu'à sa mort. C'est le prendre en charge. Alors, juste pour petit rappel, pour ceux et celles qui voudraient l'affaire à l'envers. Acte de cruauté, abandon sur animaux avéré, c'est jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Hein. Ah ouais. Et accompagné ou non d'une interdiction de détention d'animaux. Est-ce que pourrais... c'est bien joué, je ne savais pas que ça existait, mais oui, ça me semble bien. Généralement, ceux qui abandonnent les animaux, ils sont quasiment jamais chopés. Hein. Bah ouais, malheureusement, il y a très peu de plaintes en France. Très peu de dossiers. Est-ce que je peux souligner un point que tu as dit tout à l'heure ? Je sais pas si vous avez fait gaffe, pour moi, je l'ai entendu direct. Quand elle a parlé de poisson rouge, elle a dit plusieurs dizaines d'années. Oui. Alors oui, un poisson rouge, ça vit plusieurs dizaines d'années. S'il vit que 2-3 ans le vôtre, c'est que vous l'avez maltraité. Oui, clairement. Voilà. C'est les petits bocaux ronds, tout ça. Ouais, poisson rouge, ça peut grandir, renseignez-vous. Ça peut grandir jusqu'à 30 cm. Eh oui. Et ça vit dans des bassins de 300 litres. C'est grand, un poisson rouge de base. Non, mais c'est vrai que le coût du bocal, ça devrait être interdit. C'est une bonne idée. Clairement, ça devrait être interdit. Contrairement à ce qu'on peut voir, l'image du poisson rouge dans son bocal avec Maurice. C'est pas petit. Ça les stresse et ça les fait. Ils sont atteints de nanisme après. Ouais. De stress. Genre, un poisson rouge, c'est grand comme une carpe au final. Ouais, un poisson rouge, c'est fait pour vivre dehors, dans le froid. Et dans l'eau aérée, mais une eau de mare en fait. C'est pas du tout une bestiole qui vit dans le champ. Et puis apparemment, il faut qu'il soit au moins deux en fait, parce qu'un poisson c'est grégaire. C'est hyper grégaire. Donc il vous faut un aquarium d'au moins 100 litres à peu près. Tu prends l'exemple de poisson rouge, j'ai mes parents qui ont un poisson rouge depuis maintenant quelques années. Et en quelques années, je l'ai vu grandir. Il s'est vachement élargi. Et ça fait 4 ans qu'il l'ont, quoi, déjà, tu vois. Il est bien parti pour le moment. Parce qu'il n'est pas dans un petit bocal en rond qui fait 30 cm de large. C'est ça, où tu mets 3 litres d'eau. Il a son petit aquarium avec la pompe là, qui filtre l'air et tout. Il est bien. Clairement, c'est vraiment... C'est tout ce que j'avais à souligner. Un animal, c'est à prendre en charge. Il faut penser à tous les aspects. Quand on part en vacances, est-ce que quelqu'un le garde ? À savoir qu'il y a certains animaux qui détestent le changement. Les chats sont assez connus pour... Après, ça s'éduque, hein, clairement. Et ça aussi, ça faut rentrer dans le forfait animaux. Un animal, ça s'éduque. Ouais. Un animal, c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir toute sa vie et éduquer, parce que c'est pas parce que le chat, le chien, machin, mignon, tout ça, que non, ça s'éduque une bestiole. Donc, prendre des cours chez un dresseur, aller dans un club d'agility pour les chiens, aller chez un comportementaliste, pourquoi pas ? Parce que de stress ou des choses comme ça, Même plus ça que le dressage, comme tu dis. Parce que le comportementaliste, ça va pas être exactement du dressage, mais c'est plus comprendre son animal pour être en osmose, entre guillemets. En symbiose. C'est plus ça que le dressage, parce que c'est pas très intéressant le dressage juste pour le dressage. Non, mais ça veut dire, c'est de l'éducation. Oui, c'est de l'éducation. Genre, les chiens, par exemple, c'est pas parce que vous avez un tout petit chien qu'elle porte là que c'est pas dangereux. Faut pas oublier qu'un chien, ça reste dangereux. Et c'est pas parce que il est gentil, nanana. Un accident, ça peut toujours arriver. Et certes, la morsure d'un chihuahua sera moins abîmer, enfin, vous abîmera moins que la morsure d'un Doberman, évidemment. Mais ça reste dangereux. Un chien qui s'attaque à un enfant, ça peut lui faire crever un œil ou lui perdre une partie de son visage. Ou même sans le faire exprès. Hein, même un griffon ou des choses comme ça, ça peut faire extrêmement mal. On n'oubliera jamais, on ne laisse jamais un animal en présence d'un enfant en bas âge sans surveillance. Jamais. Ah, c'est sûr. Jolan, tu voulais dire ? Oui, pardon, j'ai essayé d'intervenir, mais c'était un peu compliqué. Non, non, mais t'as pas de t'excuser. En fait, moi, il m'est arrivé quelque chose en parlant de chien. Je vais faire vite. Hein. Mais je me souviens, j'étais chez mes parents, je me baladais en vélo et j'attendais un ami dans le centre-ville, dans le bourg de Piscouni, c'est pour être précis. Parle près de ton chien. Un chien super énervé a foncé sur moi, mais vraiment, je le sentais très agressif, le chien. Et moi, j'ai pas peur des animaux, mais j'ai pas peur des chiens. Mais depuis ce jour-là, depuis que je me suis fait attaquer par ce petit sac à puce là, je me suis dit, je suis très très méfiant des chiens, tu vois. Maintenant, parce qu'en fait, il m'a mordu le mollet et il m'a mordu à sang, quoi, tu vois. Et il a foncé sur toi et t'as mordu le mollet. Il était hystérique, le chien. Le maître qui a pu le rattraper, il m'a chopé le mollet, quoi. Donc, c'était un Yorkshire. Non, je déconne. Pourquoi toi ? Mais ça peut être un Yorkshire, c'est pas le problème. Ouais, non, faut pas déconner non plus. Un Yorkshire, ça peut atteindre ta chaussure. Non, je déconne. Oui, mais c'est pas l'endroit qui est important, c'est le traumatisme. Et ça, c'est puni aussi par la loi. D'avoir un chien qui divague ou qui attaque, vous pouvez être jugé, on peut porter plainte contre vous. D'accord. Vous devez vous prendre soin. Responsable de ton animal. Ouais. Exactement. Je vais dire par rapport à ça, c'est que le chien soit petit ou gros, ça peut être méchant. Ouais. Ah oui, complètement, ça s'éduque. Comme un humain. Et alors, c'est pareil. Alors oui, c'est très séduisant les bébés animaux. Oh là là, c'est très mignon. Alors déjà, un bébé animal, ça grandit. Bébé chat ou bébé chien ne restera pas bébé chat ou bébé chien. Donc il faut prendre en compte aussi quand ça sera adulte. Des fois, on a des toutes petites boules de poils et puis après, ça devient énorme. Oui, les labrador, par exemple, meilleur exemple. Enfin, non, le chat aussi, mais si tu veux, dans une moindre mesure. Oui, non, mais évidemment. Donc on prend en compte ses besoins et son évolution. On prendra en compte les vacances aussi parce que on est dans les anecdotes ce soir. Donc moi, chat à la maison, je l'ai adopté dans la rue, il est venu se donner à moi, et quand je l'ai emmené chez le vétérinaire pour le faire identifier, vacciner et pucer, ce qui est obligatoire aussi dans la loi, tout animal doit être identifié à l'ICAD, tout carnivore familier doit être identifié à l'ICAD, donc quand on l'a emmené chez le véto pour savoir quel âge à peu près il avait, on en a déduit qu'il avait à peu près un an, donc que ça semblait être un chat de Noël, c'est-à-dire ça a offert 3 mois chaton à Noël. C'est très mignon, tout ça. Noël passe et arrive le mois de juillet, c'est les vacances. Le chat a à peu près un an. Et qu'est-ce qu'on fait du chat ? Bon, t'inquiète, dehors, il se débrouillera. Non, ça reste un carnivore familier. Ça reste un carnivore domestique, certes. Il y a certains chats qui chassent, mais ils sont pas retournés à l'état sauvage. C'est pas les mêmes races, ouais. C'est une race de chat domestique. Hein, ça existe pas, la nature, ce genre de chat-là. Hein. C'est ça. C'est pas genre. Et puis en général, ces pauvres bêtes, ils vont faire la bagarre et avoir le sida du chat et mourir dans d'atroces conditions. Alors que clairement, alors ça c'est pareil. Obligatoirement, enfin franchement, faites très attention et prenez bien ça en compte. Faites stériliser vos animaux, que ça soit chat ou chien. Et si vous avez un mâle, c'est pareil. Moi je m'en fous, j'ai un mâle, c'est pas moi qui ai les petits. MDR. Un chat, c'est 8 portées par an de 8 chatons environ. Bah non, c'est touche avec personne. Une catastrophe. Quoi ? Alors oui et non, je suis qu'à moitié partagé sur ton avis. Parce qu'effectivement, avec les chats, ça se pose la question. Parce que forcément, ils ont une certaine liberté comparée à d'autres animaux. Mais un chien, si tu le laisses pas trop s'approcher ou si tu le surveilles quand il est avec d'autres chiens. Oui, mais un accident, ça peut toujours arriver, Teddy. Un chien, ça peut toujours se faire la malle. Un chat, oui. Un chat, oui, clairement. C'est bon, ça va vite. Hein. Ah ouais, mais généralement, ton chien, il se barre pas. Enfin, tu fais en sorte qu'il se barre pas. Ah oui, mais un accident, ça s'appelle un accident, Teddy. Ça peut toujours arriver. Oui, mais non, t'es pas obligé de sérialiser pour ça. Je suis désolé. Hein. Bah si, parce que moi, ça m'est arrivé. On a eu un chien de chasse qui était hyper performant, on s'en fout, qui était pas castré. Il était taré quand venait la saison des chaleurs. Il escaladait le grillage et il a failli provoquer un accident de la route. On a dû le castrer. Genre, il était vénère sur 20. Ouais. On pouvait rien le faire. Enfin, à la limite, il fallait qu'on l'enferme dans une pièce, mais on va pas l'enfermer 4 mois de l'année dans une pièce, quoi. Non, après, bah, ça dépend aussi. Ça dépend des conditions, mais. Non, mais là, il était zinzin de la saison de reproduction, oui. C'est tout. Il était pas méchant. La plupart des animaux sont comme ça. Ça dépend du caractère, quand même, du chien. C'est-à-dire que t'as des chiens qui peuvent beaucoup mieux vivre ça et qui sont pas zinzin. On arrête l'anthropomorphisme, hein. C'est pas parce qu'on leur coupe en majorité, les canaux déférents que ça va vous faire mal à vous, les mâles humains. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je te parle même pas des mâles ou femelles, quoi qu'il arrive. Moi, je suis pas d'avis spécialement, je dis pas blessé, mais on n'est pas obligé de faire des opérations sur des animaux juste pour satisfaire nos envies de pas avoir de portée ou quoi que ce soit. Je suis désolé, mais un humain. Si tu pars sur la responsabilité civile, bah oui, mais si tu pars sur ce principe-là, faire 14 000 portées, t'en fais quoi des petits ? Si tu pars de ce principe-là, tu fais pareil aux humains. Je suis désolé. Et pourtant, on le fait pas, donc non. Enfin, t'es dit, ça n'a pas de sens. Si. Si, c'est totalement un sens. Non, mais en vrai, il peut y avoir débat là-dessus, parce que, effectivement, on se dit, est-ce que c'est à l'être humain de réguler l'espèce animale ? J'en suis pas sûr. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, si t'as des voisins qui ont des chats, des chattes, etc., et que aucun animal n'est castré ou stérilisé, le problème des portées, c'est que après tu as des portées sur le dos, parce que quand la femelle a une portée, elle te la ramène à la maison, et après les maîtres doivent trouver des propriétaires pour chacun des petits chats. Soit faut les élever, soit faut les séparer. Mais après, pour les chats, je dis pas. Faut les garder jusqu'à 3 mois minimum, parce que avant, si tu donnes un petit chat plus tôt. Les petits chats ont plein de problèmes, mais effectivement, ils sont pas sevrés ni alimentairement ni affectivement, émotionnellement parlant, et c'est un véritable problème. Mmh. Ah, c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que les chats, c'est un peu différent parce qu'effectivement, ils ont une certaine liberté, une certaine autonomie que la plupart des animaux de compagnie n'ont pas. Tu laisses ton discours était plus philosophique en se disant est-ce que l'être humain doit contrôler les animaux. Il peut y avoir des balades, mais en tout cas c'est vrai que d'un point de vue pratique c'est quand même cool de castrer son animal. C'est trop bizarre dans cette phrase parce que ça évite ce genre de problème à gérer après. Après, pour vous donner l'exemple, dans ma famille on a toujours eu beaucoup de chiens, il n'y a jamais eu de problème de portée ou quoi que ce soit, hein. Jamais. Oui, mais parce que après ça dépend aussi où on habite, parce que toi tu as vécu à la campagne et il y avait personne autour et voilà, ton chien ne pouvait pas rentrer en contact en fait finalement avec d'autres chiens, donc il y avait moins de problèmes. Comme tu l'as dit, à la chasse, parce que c'est souvent à la chasse qu'il y a des problèmes, hein, clairement. Mais bon, ça c'est un autre débat, ça sera une autre émission. Alors, faut pas faire comme moi et mon grand frère, on avait fait à l'époque. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est que nous on avait des lapins. Et j'ai le parrain de mon grand frère, tu sais, qui avait donné son lapin, qui nous a laissé son lapin pour garder, tu sais, parce qu'ils partent en vacances. Ouais. Et nous, avec mon grand frère, on a eu la bonne idée de mettre la lapine au mâle. Avec le lapin, allez hop. Ah bah sympa. Bah. Alors ça, c'était plus la jugeote humaine. Qui dire que le parrain de mon grand frère, qu'il a rappelé mon père genre un ou deux mois après. Il a fait c'est quoi, t'as fait quoi mon lapin, il a des petits et tout. Mon père, il dit bah écoute, c'est pas moi, on a rien fait, t'es connerie. C'est le lapin. T'as mon père, il se retourne vers moi et mon grand frère, et il voit qu'on était mort de rire. Puis là, il fait laisse tomber, j'ai compris d'où que ça vient. Et ça, c'est. C'est nous qu'en fait, on avait récupéré les petits, parce que nous, vu qu'on avait beaucoup de lapins, puis on avait des clapiers et tout ça. Ouais. Nous, on avait récupéré les petits qu'on avait fait la connerie. Bah, il t'assume après. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais sur le coup, elle était morte de rire. Mais bon, forcément, hein, ça. C'est pas anodin. Ouais, très bien. Donc voilà, on retiendra que prendre un animal, c'est prendre ses responsabilités. Et c'est surtout beaucoup d'investissement pour un temps plus ou moins long. Mais plutôt long. Ouais, plutôt pas long, se mentir. Ouais. Et puis en même temps, après, t'as raison, hein, gérer un décès, il faut aussi pouvoir le gérer. Alors, et puis gérer tout ce qu'il y a entre les deux, hein, genre les frais vétos. Exemple, j'ai un ami, son pauvre petit chat, il s'est cassé la patte. On sait pas comment c'est passé, mais il s'est cassé la patte. Et bah, il en a pour 700 balles de vétérinaire. Et il va pas l'euthanasier parce qu'il s'est cassé la patte. C'est aussi à prendre en compte, c'est un accident c'est de la vie. Hein, là, comme tu l'as dit, si vous faire chier avec un animal, vous prenez un lapin ou un poisson. Mais ça peut tout être. Ah bah si, mais même les poissons, c'est encore pire. Les poissons, quand ils ont un problème, c'est... Au niveau vétérinaire, tu te fais moins chier. T'as juste à le nourrir. Et bah pas du tout. Tu te trompes totalement. Le poisson, l'autre fois, j'ai été porté au vétérinaire. Et bah ouais. Le vétérinaire, je comprends pas. Au bout d'un moment, sur la table de... Sur la table d'opération, il bougeait plus. Ah ouais, non, mais clairement, les poissons, alors déjà, faut remarquer qu'il y a un problème, chose qu'on fait quasiment jamais parce que, bon, généralement, ils meurent avant. Hein. Les poissons, c'est horrible. Poissons, bah ouais, ouais. Ils ont pas de faciès. On peut pas le voir qu'ils ont mal. Non, tu vas le voir que quand il est mal. Et encore. Tu vois que quand il remonte à la surface, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais justement, les poissons, c'est un problème très compliqué chez les vétérinaires parce que c'est pas si facile que ça comparé à un chat ou un chien. Quand ouais. Il se casse une patte, ouais, tu l'emmènes chez le véto, ouais. Voilà. Le poisson, ouais, quand il a un problème, déjà, bah, il se casse pas de patte parce qu'il n'en a pas. c'est déjà un bon argument. Mais il a souvent des problèmes internes que tu ne vois pas forcément. Donc oui, et puis c'est vrai que c'est des tumeurs, c'est des choses qui font que bah, tu le vois que quand il est mort. Par contre, les animaux, contrairement à ce que tu dis, c'est que oui, tu le vois, et un vétérinaire, bah, c'est son métier, hein, donc il voit d'où vient le problème. Mais contrairement à l'être humain, un animal se plaint beaucoup moins et accepte beaucoup plus que la douleur. Donc en principe, les animaux, quand si vous voyez que vous avez un animal à la maison qui ne va pas bien, c'est que vraiment, ça il va pas bien. Ouais. D'où le fait de, comme disait Audrey tout à l'heure, le comportementaliste peut vous apprendre des choses sur votre chien, il peut vous apprendre à comprendre votre chien en fait. Et c'est là que vous pouvez voir s'il a un problème ou pas, ça peut aider les gens qui ont du mal à comprendre les animaux. C'est vrai. Mais du coup, je t'ai pas posé la question Audrey, mais est-ce que ça existe les dresseurs pour chats? Bien sûr. Bah, un comportementaliste, c'est un peu couillon, ça reste... Ça reste un dresseur pour chat. Après, ça dépend ce que tu veux le faire faire à ton chat. Si c'est de l'éducation ou lui faire faire des pirouettes. Hein. Ouais, non. Mais il y a un dresseur pour lapin nain, ça existe. Mais comportementaliste pour rongeur, oui, clairement. Le mien, je le dresse tout seul et franchement, ça va, il est mignon. Ah, bah, la plupart du temps. Enfin, c'est vrai que si vous avez l'habitude d'avoir des animaux, ça s'éduque bien. Hein, mais quoi que les chiens, c'est quand même, je pense, qu'il y a de plus compliqué en tant qu'animal de compagnie. Franchement, non. Ah ouais. C'est bien plus docile qu'un chat. Hein, de tous les animaux, de tous les animaux que j'ai eu, que j'ai trouvé le plus dur, ça a été le cheval. Un canasson, si ça a pas envie, c'est vraiment. Alors que le chien, ça veut te faire plaisir. Un chien, même si ça comprend pas trop ce que tu lui demandes, il va chercher à te faire plaisir. Alors qu'un cheval, s'il en a rien à battre, il en a rien à battre. Ouais, par contre, ce qui est bien avec les chiens, ou même les chats, je crois que les chats font, c'est que quand tu vas mal, eux, ils le sentent. Ah oui, mais moi, tous les animaux. Hein. Moi j'ai mon lapin, il est à côté de moi, je vais mal, il s'en bat les cacahuètes, hein, il va bouffer. Hein. Ah ben, c'est peut-être parce que c'est un rongeur et que niveau social avec les autres espèces, c'est pas ouf. Ouais, clairement. Ah ouais, la capacité mentale de comprendre quelque chose. Mais moi, quand j'étais petite, il savait très bien, il venait me voir et tout. Je dis pas, mais c'est pas ouf niveau social. C'est pas, il peut y avoir des exceptions, mais c'est pas ouf, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'un chien ou un chat, alors c'est pas la même chose parce que, comme tu le disais, Audrey, le chien est beaucoup plus. Comment dire Il est social avec les humains. Il aime les autres créatures, il est curieux. Le chat, c'est pas pareil. C'est-à-dire que son maître, c'est son maître. Quoi. Le chien, il donnera tout pour son maître. Ce qui est pas forcément le cas du chat, mais le chat, malgré tout, est quand même attentif à l'homme et sait quand l'homme va mal. Et malgré les rancœurs qu'on peut avoir, chien, chat, etc., certes, un chat est ingrat, mais il n'est pas si ingrat que ça. C'est-à-dire que vis-à-vis de ses propriétaires, il va pouvoir leur apporter beaucoup de bien quand ils vont mal. Ou des rats morts. Non, mais c'est une façon. C'est leur cadeau. C'est une façon de nourrir. Je disais ça pour la blague. Mais oui, complètement. Ça passait crème là, ce moment. C'est un chat très mignon. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose? Oh bah non, écoutez, avez-vous des questions? Mais non, tu voulais rajouter qu'on a écouté Epsilon avec Astronaute sur Indestar. Mais oui, j'en étais sûr. Et Teddy arrive dans un instant avec les astuces culinaires. Oui, parce que ça, le saviez-vous? Teddy aime la cuisine, Teddy aime le pain, Teddy est boulanger. Incroyable! Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Bah oui, parce qu'on est bien tous ensemble durant ce confinement ou cette période un petit peu plus compliquée. À la maison, chacun chez nous et Teddy au studio pour parler astuces ce soir. Alors, on avait dit 23h, mais on l'a largement dépassé. Lol. Comme de tradition, finalement. Et on a bien fait de le dépasser parce que là arrivent les astuces culinaires de Teddy. Et je pense qu'on va saliver. Oui, Alors, c'est des astuces culinaires que j'ai voulu... De quoi ? Oui. Oui. Et j'ai voulu les décliner en vrai ou faux parce que je trouve ça plus éducatif. Enfin, je sais pas. Ah, chouette, on va jouer. Wow. On se sent tout de suite plus concerné par la chose et on les retient mieux en jouant. Donc, autant faire un vrai ou faux. Alors, bon, puis vous avez cartonné à mon blind test tout à l'heure, enfin mon quiz spécial voiture, donc ça va avoir le même effet. Alors sur les voitures, on avait un peu de mal parce que c'était vicieux. Autant là, c'est oui. Beaucoup moins vicieux. Rien encore, je sais pas. On verra. Ça m'étonne de toi, mais oui, ok. Ouais, je peux être gentil des fois. Alors, première. Quoi, vous êtes en train de me clasher ? Non, tant pis. Non. Première. Le sel permet de monter les blancs en neige plus vite et plus ferme. Est-ce vrai ou faux ? Oh là là, ça j'ai toujours... Et tu sais que j'ai toujours le doute de ça. Eh ben tu je sais quoi vrai. Eh ben je vais poser d'abord la ouais. question à Yann. À Théo, pardon. Théo, tu dis vrai ? Moi je dis vrai, ouais. Ok. Antoine, tu dis quoi ? En tout cas, c'est une rumeur. D'après répondue, mes souvenirs... Je l'ai jamais fait. D'après mes souvenirs, je dirais vrai. Ok. Jolaine, tu dirais quoi ? Faux. C'est bien, Jolaine. Tu fais toujours pas comme les autres, t'as toujours pas compris. Audrey, c'est quoi ? Bah, moi, je le fais toujours dans mon truc, mais c'est peut-être juste par superstition. Eh ben, c'est bon, vous avez tous répondu. Eh ben, effectivement, tu vois, Jolaine, je t'aime bien parce que t'as répondu juste. C'est bien, Jolaine, je suis fier de toi. C'est toute la superstition ? Bah, bien sûr, en fait, depuis quand mettre du sel dans des blancs en neige, ça sert à quelque chose ? Ça a été prouvé scientifiquement. Attendez. Ma mère grande m'avait toujours dit, il faut bien mettre sûr. Un peu d'impureté, ça aide à monter. Bien sûr que non. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez le faire pour vous rassurer, ça n'a pas de conséquences. Mais il y a eu des expériences, de fait, l'expérience toute simple. Le même robot qui bat des œufs, et en plus des œufs séparés. En gros, tu vois, tu prends un œuf, tu prends le blanc de l'œuf, tu le sépares en deux. Donc le même œuf. Hein, pour histoire de pas chipoter. Il y en a un, tu mets du sel et l'autre non. Ça monte de la même manière, de la même vitesse, et ils sont pas spécialement plus fermes. Ça change non, mais que ça dalle. Pas, mais j'avais déjà entendu, enfin plusieurs fois cette rumeur comme quoi ça fonctionnait. Mais j'avoue que les blancs en neige que je monte, je mets pas de sel. Psychologiquement, donc, voilà. C'est ancré beaucoup dans le français quand même, dans la cuisine française de chez soi, clairement. Et même dans la cuisine professionnelle française, il y en a qui le font aussi en professionnel. Et c'est des comment on appelle ça des fausses vérités qui circulent depuis longtemps. Ouais, c'est une croyance. Voilà. Une croyance. Donc Jolaine, tu as un point. Je suis fier de toi, Jolaine. Oh là là, c'est pas toi pour une fois qu'il a un point. Le monde tourne à l'envers. Franchement, t'avais intérêt d'avoir bon parce que c'est de la cuisine. Hein. Je comptais sur toi là. Tu vois. Attention, il y a de la pression. Ouais. Attention, on a la même formation avec Teddy. Oui. Bah espérons que tu vas avoir bon à celle-là. Mettre de l'huile dans l'eau des pâtes ne sert à rien. Ah, je fais. Bah si, je fais, moi. Mais, alors, du coup, tu dis quoi, Théo ? Bah, je dis que ça sert à quelque chose, donc faux. D'accord. Antoine, vrai ou faux ? Attends. L'huile moi, dans... je le fais. Ouais. L'huile dans l'eau, ça sert à rien. D'après... Bah, après, moi, ce qu'on m'a toujours appris... Donc après, je sais pas si c'est vrai. Ça évite que ça colle. Ouais, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que ça colle. Donc tu dis que c'est faux, du coup. Ouais. Et que ça sert à quelque chose. Ok. Jolaine. Est-ce que tu peux répéter ? J'ai pas compris le sens de ta question. Alors, de l'huile dans l'eau des pâtes. Est-ce que ça mettre de l'huile dans l'eau des pâtes, ça sert à rien ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai, du coup. C'est vrai, ok. Audrey ? Ouais, moi je dis que ça sert à rien. Eh ben, c'est vrai, Audrey, tu as raison. Jolaine aussi, tu as raison. Vous mais avez non, jamais remarqué si, Non, attends, écoutez. C'est pareil. Scientifiquement non. parlant, ça va aller très loin, enfin, ça va être très facile à remarquer. Vous avez déjà remarqué que quand vous mettez de l'eau dans de l'huile, ça se mélange c'est pas. C'est non-miscible. C'est non-miscible. Qu'est-ce l'huile reste à la surface de l'eau. Oui. Et tes nouilles sont au fond de l'eau. Il n'y a même pas de contact avec l'huile. Ça ne mais sert si, à rien. Tu touilles après. Mais, non, mais même quand tu touilles, ça se resépare. L'eau et l'huile, ça se mélange pas. Par contre, pas être en contact. Par contre, tu peux mettre de l'huile une fois qu'elles sont sorties de l'eau après. Pour éviter que ça colle. Il y a des gens, ils mettent du beurre, d'autres préfèrent l'huile d'olive parce que bah, quand t'es italien, c'est plutôt l'huile d'olive. Moi, je suis italien. Bah voilà. Mais après, pas pendant la cuisson, après la cuisson. Attention, c'est différent. Les pâtes se sont jamais collées dans ton bol pendant la cuisson, sauf si tu les as oubliées et que l'eau s'est évaporée. Alors, non, si, non, généralement, elles ont tendance à avoir collé. Tiens, d'accord, ok, mais moi je fais. Pas par rapport à l'huile, ça n'a rien à voir avec l'huile, c'est plutôt avec l'amidon si tu les remues pas pendant toute la cuisson. Oui. Voilà. Ce qu'il faudrait en fait, parce que les pâtes ça se cuit pendant à peu près 7-8 minutes, on va dire. Pour avoir des pâtes plutôt bien cuites. Ouais. Plutôt cuites, plutôt bien. Et ben, en fait, pendant les 2-3 premières minutes, tu les mélanges. Sûr, tu les mélanges comme ça au moins à col rompu. Après, avant déjà avoir commencé à cuire un petit peu, avant plus trop se coller. Et une fois que tu les as égouttées, là tu peux mettre un peu d'huile d'olive pour être vraiment sûr et pour le goût aussi, parce que gustativement ça apporte quelque chose. Tu peux mettre un peu d'huile d'olive, comme ça tu peux laisser au frigo 2-3 jours, ça collera pas. Mmh. Voilà. Mais pendant la cuisson, ça ne sert à rien, clairement. Par contre, mettre du sel dans l'eau de la cuisson, là ça peut servir à quelque chose. Mais bon, là c'est un autre débat. Clairement. Donc voilà, ça ne sert à rien. Théo, tu es bien parti pour faire une Jolan. C'est vrai que vu tes vrais ou faux, j'aurais tendance à la mettre en place. Regarde, non, mais regarde-moi cette mauvaise foi. On dit, toi, on conteste tes quiz, t'es là genre. Non, mais je ne conteste rien. J'étais en train de dire je que, constate. Vu ces questions, on aurait tendance à dire non. Mais là, par exemple, pour autant tout à l'heure, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai jamais fait, donc bon, voilà, ok. Mais là, sachant que c'est quelque chose que je fais, bah, je défends ma théorie, quoi. Ouais, mais c'est une croyance. C'est comme le sel dans les blancs en neige, c'est une croyance populaire qui ne sert à rien. En fait, tu gâches plus de l'huile qu'autre chose. Parce que l'huile, elle va rester dans l'eau et elle se mélangera pas aux nouilles. Hein. Voilà. D'accord, soit. Non, mais ta théorie, je peux ta te faire économiser. Ah oui, bah, clairement. C'est obligé que ça marche. C'est 100% vrai. Voilà. Ok. 100% scientifique. Exactement. Parce que j'aime la science. Et les expériences aussi, mais ça c'est autre chose. troisième question. Mettre des lunettes de plongée pour couper des oignons est efficace pour pas pleurer. Et je vais te poser la question à Audrey. Non. Non. D'accord. T'as l'air hyper court en plus, mais c'est drôle. C'est drôle. Bah oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions. Donc peut-être que mettre des lunettes de plongée, ça peut marcher. L'éplucher sous l'eau. Alors moi je fais l'éplucher sous l'eau, dans une bassine. Donc Audrey, je tu mets dis dans une bassine et alors ça fonctionne, c'est pas entièrement efficace à 100%, mais oui ça fonctionne parce que si tes oignons sont immergés, en fait t'as moins de remontée acide, donc oui ça alors, fonctionne. Alors pour Théo, je vais répéter la question quand même. Mettre des lunettes de plongée pour couper des oignons est efficace pour pas pleurer. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, pourquoi tu me répètes la question? Pour souligner le est efficace, parce que ta technique, comme tu l'as dit, elle est pas si efficace que ça. Elle va diminuer. D'une manière ou d'une autre, mais à mon avis, elle est pas très efficace. Attends, l'efficacité, ça dépend sur quelle échelle tu es. Non, mais joue sur les mots là. Non, mais c'est. Alors là, c'est la poêle qui se fout du chaudron là, clairement. De toutes les manières, on parle pas d'éplucher un oignon dans l'eau, on parle d'avoir un masque de plongée. Comme ça, c'est réglé. Ouais, non, mais j'ai compris, mais ça dépend de l'efficacité totale du coup. Pas totale, mais presque. Vas-y, comme tu veux. Allez, 90%. Bon, oh là là, je sais pas. Ça veut dire que tu pleures qu'au dixième oignon. Ouais, tu pleures au dixième oignon avec le masque de plongée. Ouais. Ah, genre, c'est pas personnel. Allez, Théo, on choisit. Oh là là, ça dépend de Ça dépend de l'oignon. Mais faites quelque chose, putain. Oh là là. Bon, je vais dire. Allez, je vais. Faut que je tente ma chance, je vais dire oui. Jolan, tu dis quoi? J'ai pas compris la question, il y avait trop de bordel. Putain. Non, faut dire non, Jolan. Non, c'est la bonne réponse et oui, c'est moi. Mettre des lunettes de plongée pour couper des oignons est efficace pour pas pleurer. Faux. C'est faux? D'accord. Oui. Bravo, Jolan, hein, c'est encore une belle mauvaise réponse. Antoine? C'est faux. C'est faux? Parce que là, moi, j'ai la même chose pour les lunettes normales. Tu oses dire. Que ça atténue, mais en fait, moi, c'est des conneries. Tu oses dire pareil que Jolan? Vraiment? Oui, je prends le risque. Eh ben, t'as raison. Pareil que vous. T'as raison. Y a que Théo pour dire des conneries de sens. Alors, faut savoir d'une chose. Y a beaucoup de gens qui cherchent à se protéger, en fait, les yeux pour éviter de pleurer. Oui. Mais c'est une grosse connerie parce que vos yeux sont reliés à votre nez par les circuits. Alors, j'ai oublié le nom. Les sinus. Merci. Ah oui. Voilà, les sinus. Et en fait, ça va rentrer par là. Ça mettra un peu plus de temps, j'avoue. Mais ça va rentrer quand même. Et tu vas pleurer. Donc, à la rigueur, un masque de plongée, mais avec le nez qui est bouché. Et peut-être même la bouche, parce que la bouche aussi, ça communique avec le nez. Donc forcément, si ça communique avec le nez, après, le nez communique avec les yeux. Mais ça prend toujours plus de temps. Non, mais moi, c'est ça que j'avais en tête, en fait. C'est-à-dire le truc avec le tuba, là. Mais c'est pas un masque de plongée, ça? Non, là, c'est un là, il a dit juste un masque de plongée. Ah ouais, mais moi, j'avais le truc décathlon, là, en tête, le truc avec le... Si toi, ça s'appelle un masque de plongée, mais moi, j'ai dit lunettes de plongée. Attention. Ah, bon, bah, j'avais l'image du masque de plongée. Parce que le masque de plongée, je me dis, ça peut pas être totalement efficace à 100%, parce qu'au bout d'un moment, l'acidité, elle est dans ta pièce et elle va plus loin que... On dirait enfin, j'ai l'impression que vous parlez d'une bombe biologique, tu vois. Ouais. On parle d'un oignon. Et puis, pour répondre à ta question aussi, pour les oignons sous l'eau, c'est pas efficace, presque pas. Tu as peut-être... en gros, si t'en es plus deux, ça devrait aller. Mais au bout du troisième, ouais, tu vas te mettre à pleurer, hein, clairement. Ça diminue légèrement, mais pas beaucoup. Ça diminue quand même. C'est-à-dire que quand tu coupes ton oignon entièrement sous l'eau, ça va aller ralentir. Trois oignons sans trop pleurer. Parce que je suis sensible aux oignons. Alors après, ça dépend des oignons, mais je suis assez sensible et sous l'eau, ça passe, quoi. Je peux comprendre, mais bon, ça ralentit juste, quoi. C'est pas... Ouais, ça ralentit juste. Ah ouais, non, mais c'est encore une fois, hein, je l'ai dit au départ, hein, mais c'est pas efficace à 100%, c'est clair. C'est pour ça que tu as faux. Alors. Oui, ah oui, en plus, je pensais au masque, alors forcément. En mais France. Non, c'était surtout pour prendre contre-pied et possiblement gagner un point, parce que là, je vais pas m'en sortir. C'est pas faux. Surtout que si je dois reprendre ton score après, je suis un peu dans la merde. En France, il faut mettre les œufs au frigo. Vrai ou faux? En France, pourquoi en France? Bonne question. En France métropolitaine, tu veux dire? France? Non, que c'est, si tu parles français, tu mets tes œufs au frigo. France? Non, mais France, la France, quoi. Métropolitaine, donc. Bah, je vais dire oui, moi, vrai. Mais je vais dire d'abord. Moi, je l'ai jamais. Antoine, d'abord. Ah, attendez, je vais m'occuper du lapin, attendez. D'accord, bon bah. moi, je dis que c'est faux, tu peux laisser à l'air libre. D'accord. Attends, d'abord j'ai une question. Oui. Ça dépend s'il est ouvert avant ou s'il a été ouvert ou pas. Ah non, c'est un œuf. Tu vas pas l'ouvrir. Tu sais. D'accord. Bah, je dis que c'est faux. Tu peux essayer de. Tu dis que c'est faux. Ouais. D'accord. Jolan, tu dis quoi? C'est vrai ou faux? Je répète une question, s'il te plaît. Alors, en France, il faut mettre les œufs au frigo. Vrai ou faux? Alors vrai. Vrai. Audrey, que dirais-tu? C'est en France, là. Qui... Moi, je les stocke jamais au frigo, donc je dirais faux. C'est une grosse erreur. Ok. Théo? Ben, moi, je les stocke pas au frigo non plus. Mais oui, j'ai dit vrai, ouais. Vrai? Bah, tu sais quoi? Même si tu les stocke pas au frigo, et ben, tu devrais le faire. C'est assez intéressant à savoir. Vous savez pourquoi j'ai rajouté le en France? Bah justement, ouais, il va y avoir une raison. Il y a une raison. Ça dépend de la température. Non, rien à voir. Parce que non. La température, elle doit être la même dans d'autres pays. C'est pas ça le problème. C'est la manière qu'on a de produire des œufs. Nous, nos œufs, ils sont pas lavés, en fait. Ou presque pas. Pour la salmonelle, tu veux dire? Pour la salmonelle et tout ça. Donc effectivement, les laisser à l'air libre, c'est les laisser développer en fait plein de microbes sur la coquille et avoir plus de risques d'intoxication alimentaire. Ouais. Alors que ça, dans ça, la plupart... Ça, c'est les œufs que t'achètes au supermarché, ça. Bah, même quand ta poule les pond chez toi, généralement, tu les désinfectes pas. Hein. Mais normalement, bactériaux, tu peux pas être vendu au supermarché s'il y a de la salmonelle dessus. Et bah, ils sont retirés. Ah bah si, t'as de la salmonelle tout le temps. Ça c'est à la personne qui cuisine de faire attention. Mais sur ça, la coquille, mais normalement, ta coquille, soit tu l'enlèves, soit tu le fais cuire. Oui, mais quand tu brises la coquille, t'as toujours un risque de contact. Exactement, c'est souvent à ce moment-là. Par contre, à contrario, dans la plupart des pays du monde, c'est pour ça que j'ai rajouté en France, les œufs sont lavés, ils ont plus de couche protectrice et tout ça. Donc eux, tu peux les laisser dehors, ça craint plus rien. Nous, c'est des cailloux. On les mettait pas tout le temps au frigo, nous généralement on les mettait dans un bac. Ouais, mais théoriquement faudrait. Après c'est pas très grave parce que si tu les laves avant de t'en servir, ça marche aussi et... Oui, bien sûr, ouais. Mais bon c'est pas, si... forcément, tu le fais pas forcément à chaque fois. Tu veux éviter le développement de microbes. Enfin, après, ça dépend. Après, généralement, ceux qu'on mettait dans un bac à côté du frigo, on les utilisait genre pour faire des concours d'œufs avec au bout de la cuillère, non? Non, on l'utilisait pour faire des œufs sur le plat et tout comme ça. Donc, sinon, l'œuf était cuit, donc après, t'avais moins de risques. Ouais, tu le fais cuire avec la coquille, ouais. Non, mais sans. À 100, oui. Oui. En tous les cas, c'est assez non, marrant. Que, genre les œufs durs, tu fais cuire avec la coquille. Parce que de toute façon, on t'apprend que, de toute façon, dans les cours, que la chaleur, ça tue aussi les microbes. Ah oui, non mais c'est ça. Si tu fais bouillir ton œuf, c'est pas le froid qui tue, c'est la chaleur. Tu fais pas que enfin les œufs durs, oui effectivement, mais ça s'applique en pâtisserie par exemple quand tu casses tes œufs ou quand tu vas faire une omelette tu casses tes œufs. D'ailleurs il y a des gens qui cassent directement l'œuf dans la poêle. Là c'est un risque de contamination parce que quand tu vas verser après ton liquide dans une assiette ou quoi que ce soit, ça peut retoucher le bord de la poêle qui lui a pas eu le temps de chauffer très bien et que la salmonelle est encore dedans et pouf, allez hop, intoxication, c'est fini. Il y a encore une astuce, bah faut les œufs faut les casser, bah ça c'est ce qu'on apprend en cours hein. De cuisine, c'est les œufs, tu les casses dans un bol à part. Que s'il y en a qui est pourri, c'est qu'ils sont mangés que l'autre. C'est, ouais, tu les casses un par un. Oui, c'est une bonne astuce, effectivement. Cinquième question. C'est ce qu'on apprend en cours de cuisine, de toute façon. Oui. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de donner un point. Oula, j'ai oublié de donner le point à Théo. Mon dieu, ça va plus. Ah bah, quand même, attends, c'est pas comme si j'en avais beaucoup là. C'est pas faux. Cinquième question. Monter de la mayonnaise est impossible lorsqu'on a ses règles. On a ses règles. Bah, bien sûr, Teddy. Ah bah n'est-ce oui. Pas donc Audrey, tu dirais quoi? Faux, évidemment. Faux. Jolan? Superstition, faux. Antoine? Attends, c'est vraiment une question, ça? Bah, t'as tes règles. Est-ce que tu peux faire de la mayo? Bah, moi, j'ai pas ce problème-là, donc... Bah, va savoir, peut-être un jour. Faut dire vrai, ouais, moi je dirais que c'est faux, c'est des conneries encore. Ouais, Théo? Non, mais c'est faux, mais c'est une croyance apparemment. Moi j'ai appris ça l'autre fois parce qu'on en a parlé, mais. Pff. Il se trouve qu'il y a des moments. Non, je déconne, non, mais évidemment que c'est faux, c'est con quoi. Oui, c'est faux. Il y a des moments en fonction du cycle de la lune. Ouais, non. Monter une mayonnaise, ça dépend d'aucun de ces. On a parlé l'autre fois, je t'ai fait répéter parce que franchement, quoi? Ouais, non, c'est une croyance hyper pérenne. Hein. Si vous entendez ce genre de conneries, vous avez le droit de mettre une claque à la personne, c'est dans la loi, d'accord. On n'a pas le droit d'être sexiste pour une mayonnaise, merde. Clairement. Quand même. Ça vaut pas le coup. Reste, c'est pas... Pour la mayonnaise. Vu l'intelligence d'Amélie, bah, je lui poserai la question. On verra bien, d'accord. Mais bon. La vraie question, c'est est-ce qu'elle fait de la mayonnaise. Bien parler de tes soeurs comme ça. Ouais. Bah c'est vrai, t'avais eu l'intelligence d'Amélie, elle croit à tout et n'importe quoi, donc... Non, mais elle est pas, c'est pas de l'intelligence, c'est de la naïveté, ça n'a rien à voir. Ouais, puis moi j'ai foi en Anaïs, je suis sûr qu'elle te dira « va te faire foutre ». En Anaïs. Bref, sixième question. Et plus, dernière question. Oui, et dernière. Plus il y a d'eau dans le pain, plus il se conservera longtemps. Ah. Vrai ou faux? Et je vais poser la question à Antoine d'abord parce que je suis un connard. Moi je dis que c'est vrai. Ok. Théo? Je sais pas. Je sais pas, mais. Non, ça me semble faux. Moi ça me semble faux parce qu'il peut y avoir des choses néfastes dans l'eau. Donc faux. Quoi? Audrey, tu dirais quoi? Des microbes. Rien à voir avec les microbes de l'eau, mais non, bah, plus il est humide, plus il est moelleux, moins il durcit vite. Est-ce que c'est ça que t'appelles la conservation? Genre, c'est le fait que ça soit pas une bricasse après 15 jours? Je te dis rien. C'est toi qui vois ce que c'est que ce que t'appelles du pain conservé. Ouais, bah je vais dire vrai alors. Jolan? Dans le doute, je dirais vrai aussi. Non, pourquoi dans le doute j'y arriverais? C'est quoi ça? C'est non, pas de sens. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, Théo, tu as tort. Mais, bah, alors, est-ce que c'est pour le principe d'Audrey, comme elle disait? Bah ouais, elle a pas totalement tort, en fait. Ouais. En boulangerie... J'ai pensé au côté moelleux, mais... C'est pas vraiment pour le côté moelleux, mais... Non, en boulangerie, on joue beaucoup avec le taux d'hydratation de nos pâtes. C'est pas pour rien. Le pain blanc, il y a beaucoup moins d'eau que dans une tradition. Et une tradition, tu vas conserver bien plus longtemps qu'un pain blanc. Et après, tu vois ça par rapport au supermarché aussi. Hein. Ah bah oui, non mais clairement. Le pain, genre, le soir même, il est dur. Tu prends la baguette blanche à 35 centimes d'un Intermarché ou ce genre de truc. Oui. Tu la conserves peut-être même pas jusqu'au soir. Elle est déjà dure comme pierre parce que l'eau dedans, non seulement ça a été de la pâte qui a été congelée, parce que c'est des produits congelés, donc elle a forcément perdu de l'eau à ce moment-là. Mais en plus, dans la recette de base, il y a pas beaucoup d'eau, genre peut-être 55% et encore, je sais même pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'eau? Parce que ça coûte rien, l'eau. Bah, parce qu'ils vont la congeler, de toute façon, j'en sais rien. C'est pas moi qui fais les recettes industrielles, hein, et ça sera jamais moi. Non, mais c'était une question, parce que, effectivement... Parce que, comme vient de le dire Teddy, si ça se consomme... Si ça se conserve pas, t'es obligé d'en racheter. Ouais. Ouais, c'est pas faux, c'est sans doute ça. Ouais. Alors que la tradition... Ouais, c'est vrai que ce que t'as en supermarché, c'est pas pour dénigrer ce qu'ils font en supermarché, hein, mais les baguettes blanches de supermarché sont rarement des baguettes que tu puisses garder plus longtemps que 6 heures après ton achat, quoi. C'est ça, c'est dégueulasse. Alors que la tradition, qui est une valeur sûre parce que des législations, en gros, tu peux pas tricher avec la tradition, elle a presque 70% d'eau au minimum. D'accord. Donc là, t'as quand même pas mal d'eau dedans et elle va se conserver forcément plus longtemps. Après, si elle est bien cuite, elle va forcément se conserver un peu moins longtemps que si elle t'est pas trop cuite. Ouais. Et après ça dépend ce qu'on entend par. La forme et la taille de la bestiole, ça compte ou pas? Évidemment que ça compte. Plus c'est long et fin, plus ça va être facilement déshydraté. Déshydraté. Parce que la conservation, c'est comme tu l'as dit, Audrey, tu as très bien souligné ça. Ce qui fait la conservation du pain, en fait, c'est son pourcentage, sa facilité à ce que l'eau s'évapore, en fait, du pain. Ouais. C'est pour ça que les boules, par exemple, ça se conserve relativement longtemps. Exactement, parce que t'as la croûte qui va être un peu plus dure et tout ça, mais l'intérieur va rester moelleux parce que l'eau est encore piégée dedans. Ça va pas sécher aussi vite. C'est une logique. Pourquoi quand tu grilles le pain, ça le ramollit? Genre quand ton pain est dur, tu le passes au four, ça le ramollit? Parce que l'eau elle s'échappe. Donc ça va Si ton pain il est déjà dur comme du roc, c'est qu'il y a plus d'eau dedans. Ouais, c'est de la poussière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il doit en rester quand même. Il en reste quand même parce que c'est pas comme beaucoup d'ingrédients en fait qui nous paraissent secs. Il y a de l'eau quand même dedans. Ouais. Et ça doit réactiver d'une manière ou d'une autre. Là, je saurais pas te répondre. Par contre, il y a un truc que vous pouvez savoir là-dessus comme astuce. Si vous refaites cuire du pain, et ben mettez de l'eau, un verre d'eau aussi dans le four ou même le tremper le pain dans l'eau. Alors je suis pas très fan de ça, mais vous pouvez badigeonner votre pain d'eau. Et là, il va récupérer quand même pas mal de goût et de texture qu'il avait presque comme s'il il venait d'être fait, quoi. Presque. Hein, donc l'astuce, c'est genre quand ton pain est un petit peu dur, de le faire recuire, enfin pas recuire, mais réchauffer au four avec de l'eau. Avec un petit peu d'eau dessus, ouais. Avec de l'eau dessus, à côté, mais plus dessus, c'est encore mieux. Mais Idéalement, j'imagine un diffuseur comme pour les plantes là, qui fait un vaporisateur. De la brume, un petit peu. Ouais, ça peut même suinter en fait. Et en fait, il y a des gens, ils trempent dans l'eau carrément direct. Ah bah non, mais après l'eau elle s'évapore. Tu le remets au four comme ça, ta baguette elle crame pas. Elle va pas cuire plus, mais elle va quand même reprendre un peu d'eau dedans, elle va l'absorber et elle va rester moelleuse et avoir une croûte croustillante et en étant encore un peu chaude. Alors c'est presque le top du top. Ouais, bah c'est carrément tu refabriques du pain, mais ouais. Presque. Il y a quand même une différence, mais bon, c'est minime. Et rien qu'un petit verre d'eau, effectivement, dans le four, quand tu fais recuire ton truc, ça peut être sympa. Oui, même ça s'applique à beaucoup d'autres ingrédients, clairement. Ouais. J'ai pas d'idée là tout de suite. Mais... Non, mais ok. Dans beaucoup d'autres ingrédients, on va rester là-dessus. Mettre de l'eau, c'est bien. L'hydratation, c'est cool. Ça me fait combien? Ça me fait genre un point, un truc comme ça? Bah non, avec cette question-là, ça t'en fait. Bah toujours. Ouais, non, ça t'en fait deux parce que t'as faux. Deux points, ok, on cartonne. Oui. D'ailleurs, ça fait deux points aussi à Antoine. Ah, seulement? Oui. Ah ouais, bah il a voulu te suivre, hein, qu'est-ce que je te dis? Faut pas. Audrey, ça y fait. Soit tu suivais, soit je suivais Jolan, donc. Mais tu l'as pas assez suivi. Ouais, parce que Audrey, elle a 3 points et Jolan, il en a 5 quand même. Ah ouais, C'est en même temps, avec sa formation, c'est le minimum. Ouais. J'avoue que sur ce domaine-là, valait mieux suivre Jolan. Hein. Pour une fois qu'il faut le suivre. Moi aussi, j'ai fait cette formation. Le problème, c'est que les souvenirs sont perdus, apparemment. Ils sont un peu flous. On comprend pourquoi. J'ai abandonné quelque part dans mon cerveau. Moi, ce que je te propose, Théo, c'est de garder ses scores et je reprends ton score. Et si tu veux. Et pour ton quiz, je me mets un handicap de malade. T'as intérêt à assurer au quiz si tu veux qu'on gagne. On va essayer, ouais. T'as pas assuré. Alors, en attendant, on écoute un mélange, un bootleg, un mashup entre Alice Russell, que j'adore, l'Espresso, l'artiste soul, et de l'autre côté, l'artiste préféré ou le groupe préféré de Laura, Queen. Le titre s'appelle Another Got Anger et c'est maintenant sur Indestar dans cette émission à la maison du lundi soir. Vivez le confinement avec nous sur Indestar, c'est l'émission à la maison. Ah, puis l'avantage, c'est qu'on vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Bienvenue sur Indestar, sur Indestar.fr pour cette émission spéciale astuces hein, ce soir, en ce lundi soir. On vous a donné plein d'astuces et là, on arrive au jeu. Enfin, on a déjà bien entamé le jeu avec Teddy et ses astuces culinaires. On va continuer avec un quiz. En cette question, et alors comme est-ce que tu peux nous rappeler Teddy ce qu'on s'est dit entre nous pour se faire gagner des points ou pas? Oui, alors du coup vu que je participais pas à mon propre quiz, ce qui paraît logique, c'est je prends ta place, je prends tes points qui sont de 2. J'insiste bien. Ouais. En sachant que Jolan part avec un avantage pour une fois. Un gros avantage, exactement, il a 5 points. 5 points d'avance, enfin 3 points d'avance sur nous, ouais. Et ouais, Jolan, tu peux gagner quand même. Tu perds pas. On va essayer. Jojo au taquet. On donc, Jolan contre Audrey, contre Antoine, contre Teddy. Exactement. Pour ce quiz de cette question. Il peut y avoir des choses de bouffe ou pas. Ouais, il y a des choses qui se rapprochent de la bouffe, mais qui ne sont pas exactement. Voilà. Sinon, il y a tous les autres domaines qui peuvent être abordés. Bien entendu, vous pouvez jouer aussi chez vous, même au lit. Oui, vous avez le droit. Une feuille, un crayon. Et on y va. À chaque fois, il y a 3 réponse possible, mais une seule est bonne. Alors, imaginons que ma brosse à dents est devenue dure. Ça, c'est un problème crucial, hein, vous le savez. Je voudrais donc assouplir ses poils, c'est en toute logique. Vaut-il mieux que je lui fasse prendre un bain de 24 heures dans de l'eau salée, un bain de 24 heures dans de l'eau gazeuse, ou un bain de 24 heures dans l'eau avec moi? À votre avis, dans de l'eau salée, dans le l'eau gazeuse ou dans l'eau avec moi? Jolan, toi qui rigoles. Chez. Les 3 sont fausses. Ah non, il y en a forcément une de vraie. Hein. Il n'y aurait pas de proposition. Franchement. C'est une astuce que personne fait, je pense. Dans le gazeuse, non? D'accord. Je ne réponds pas à ta question pour le moment, parce que j'ai posé la question à Teddy. Ah, tu étais, oui, là. Ouais. Mais du coup, vu que Théo vient de m'envoyer la réponse par Messenger. Non, je rigole. Je dirais. Putain, c'est risqué ça quand même. Je suis Jolan. Tu suis Jolan dans l'eau gazeuse? Je suis Jolan dans l'eau gazeuse. On va piquer une tête. Audrey? Audrey? Audrey a son micro d'éteint. Audrey. Audrey est partie aux toilettes. D'abord, alors. Je sais pas, moi j'aurais dit l'eau gazeuse, mais vu que je lui ai répondu l'eau gazeuse. Ah, c'est risqué, hein. Ouais, mais il est parti sur une bonne lancée aussi. Oui, mais c'était la cuisine. Ah, ouais, c'est lui qui est parti sur une bonne lancée. Donc c'est pour ça que je veux dire l'eau salée. D'accord. Oui, excuse-moi, j'étais intervention chat. Je dirais l'eau salée, tout pareil. Et bah, c'était la bonne réponse, l'eau salée. C'est ce qui paraissait le plus logique. Putain, Jolan! Niveau action. Bon, alors quand je parle de bain, vous êtes pas obligé de la mettre dans la baignoire non plus. Hein, lui faire prendre un vrai bain, un petit gobelet suffira. Et puis n'oubliez pas de la rincer après parce que sinon ça aura un goût dégueu quand même avec l'eau salée. J'ai un mélange de dentifrice et de sel déjà. C'est dégueu. Tu peux gerber après. Oui, si ça se trouve, il y a déjà du sel dans le dentifrice en fait. Pour faire monter le dentifrice, ils en mettent dedans. Ouais, mais c'est aromatisé. Quoi? Mais pourquoi ma casserole Tefal Inox Pro on the rocks a des taches noires? C'est inadmissible. Alors pour les enlever, qu'est-ce que je dois faire à votre avis? Est-ce que je dois bouillir des zestes de citron? Est-ce que je dois bouillir des morceaux d'épluchures de pommes de terre? Ou est-ce que je dois bouillir des pétales de rose? Audrey? Les zestes. Les zestes de citron. Mmh. Ok. Jolan. Alors sinon, tu la frottes à la javel, ta casserole, ça marche très bien. Tu peux me répéter les 3 propositions? Le zeste de citron, les morceaux d'épluchures de pommes de terre ou les pétales de rose? Les zestes de citron. Ok. Jolan, tu peux pas et faire le quiz et jouer à tes jeux vidéo, il faut concentrer un moment. Ah, possible. Teddy. Ouais, le citron, ça marche à tous les coups. C'est de l'acide. Antoine? Ouais, je dirais le citron aussi. Je prends le risque de répondre comme Joe. C'était la bonne réponse, le citron. C'est le citron qui marche le mieux parce que bah ouais, le citron et son acidité, ça résout un peu tous les problèmes. Ouais. Oui, ça va. Dans les problèmes de vocabulaire. Ça résout tous les problèmes de français, mais ça résout tous les autres problèmes. Après, l'avantage des épluchures de pommes de terre, c'est que vous aurez des patates épluchées pour les faire cuire et manger de la bonne purée, donc ça, c'est pas négligeable. Quant aux pétales de rose, à part une Saint-Valentin décevante, je vois pas, mais bon. On y va pour la question suivante. Demain matin, j'ai un rendez-vous professionnel avec la ministre. Et mes chaussures ne sont pas cirées. Lamentable. Et vous, vous doutez bien que j'ai plus de cirage à la maison. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les asperger ? Avec quoi je peux les asperger ? Ce qu'il a joué, c'est... Oh, putain, je sais pas, peut-être du WD-40 ? Attends. Du jus de pomme, du jus de citron ou de l'eau salée ? Oh putain, il prend pas ce vin ! Ah, il a pas du WD-40 ! Mais parce que j'ai plus de WD-40, c'est la dèche, tu vois. Alors, et elles sont en quoi tes chaussures ? C'est quelle matière ? C'est du cuir. C'est du cuir. C'est des chaussures en cuir véritable parce que je suis riche. Alors, c'est pas de l'eau qu'il faut mettre, c'est de la matière grasse. Donc, c'est pas du cuir. Teddy. C'est pas du cuir, tes chaussures. Bon, d'accord, c'est pas du cuir si tu veux. Teddy. C'est quoi les propositions ? J'ai oublié. Du jus de pomme, du jus de citron ou de l'eau salée ? Putain. Les propositions de merde, quoi. Oh, t'abuses, hein, franchement. T'aurais pu mettre le WD-40. Oui, j'aurais pu. Putain, le citron, non, pas le citron, non, pas le citron, non, mais faut être fou pour mettre du citron. Vas-y, le citron, merde. Ok, citron pour Teddy. Qu'est-ce que tu répondrais ? Du cirage ? Non, on a peu de cirage. Bah, je savais pour les peaux de banane. Mais alors, pour le reste... le citron, ça marche pour tout, hein. C'est bon, du citron. Antoine ? Moi, je dirais du jus de pomme. Ok. Jolan ? Parce que le citron, il y a de l'acide, donc pour le cuir... Ouais, mais c'est sucré, c'est pas du cuir, c'est pas du cuir. Il l'a dit que c'était pas du cuir. Non, c'est une nubuck. Moi, j'en sors... C'est toi, le nubuck. Le gros animal avec la corde. Je dirais, je sais pas, du sel, moi. De l'eau salée, d'accord, ouais. Très bien. Bon, je vois que tout le monde m'a pas écouté. Je viens de vous dire dans la réponse d'avant que le citron, ça résolvait tous les problèmes. J'ai même pas une faute de français. Donc c'est toujours le jus de citron qu'il faut mettre. Bah si, on t'écoute, tu vois. Voilà, il y en a qui m'écoutent, mais pas tout le monde. Voilà, parce que le jus de pomme, Antoine, ça va rendre tes chaussures juste collantes. Ouais. Ça cool. Voilà. Et l'eau salée, ça va clairement les dézinguer. Donc on évite, hein. C'est comme pour les châssis de voiture. Question suivante. Je viens de changer l'encre de mon imprimante, parce qu'il n'y a jamais d'encre dans ces trucs-là. Et puis en plus, il faut changer la couleur, même si je veux imprimer en noir, c'est n'importe quoi. Sauf qu'en changeant mes cartouches, je me suis mis plein d'encre sur les doigts. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en enlevant la protection, là, vous avez de l'encre qui saute, c'est dégueulasse. Ouais. Et ça s'enlève très très mal. Si, elle est facile. Dégoulasse. Dans mon frigo, j'ai 3 jus. Lequel il vaut mieux que je mette sur mes mains tu pour enlever l'encre ? De quoi ? Tu les bois, tes jus. Arrête de nous trouver avec. Avec les jus. Alors, j'ai du jus d'orange, j'ai du jus de tomate et j'ai du jus de carotte. Donc, personnellement, il y a des jus que je ne boirais pas, déjà. Donc, et il a pas le jus de citron, avis, merde. Il y en a que je vais utiliser que pour, finalement, que pour changer l'encre, enfin, que pour nettoyer mes doigts. Est-ce le jus d'orange, le jus de tomate ou le jus de carotte, à ton avis, Antoine ? Putain, j'hésite. Je sais pas, faut arrêter. Lui d'autre jus de tomate ou le... T'as dit quoi le premier ? Jus d'orange ? Carotte. Orange, tomate ou carotte ? T'as jus d'autre l'orange... Ah, j'irais tomate. Tomate pour Antoine. Qui suis Antoine ? Moi. Jolan. D'accord, Jolan. Ok. Bah j'ai faux. Ok. quoi ? Bah, j'aurais dit du jus de citron, mais tu me proposes pas. Non, alors c'est vrai que pas à chaque fois. Le plus acide des trois, je dirais la tomate. Ah, ouais. Quoique ça. Ouais, ah bah non, si. Ah non. Okay. Le plus acide des trois, c'est l'orange. Ah oui, t'as peut-être raison. Bah ouais. Et puis bah ça se. Enfin, c'est dans l'orange, le. Je te dis alors. Bah c'est dans les agrumes, c'est comme le citron. Alors si c'est pas le citron, tu t'es peut-être dit on va mettre l'orange. T'as raison, okay. C'était le jus de tomate. Putain. Non, Donc non, il a pas raison. Par contre, j'ai menti parce qu'en vrai, voilà, j'ai pas de jus de tomate ni de jus de carotte dans mon frigo parce que c'est dégueulasse. Donc dégueulasse. Juste pour l'encre. Mais quoi? C'est pas dégueulasse en plus. Si. Mais par contre, je bois du... Oh tiens, ce matin, je me ferais bien un petit jus de tomate. Non, jamais. Vu que j'étais le seul à avoir mis orange, t'aurais pu me donner le point quand même. Bah non, parce que c'était pas la bonne réponse. Oui, mais on partage les points, je te rappelle. Oui, bah oui, je sais, mais bon, là, je me dois d'être juste. C'est bien. La réponse suivante, c'est la réponse numéro 1, Teddy. Quand j'aurai une maison, je me mettrai au jardinage. C'est la bonne résolution de mon oncle bourré au 1er janvier. Si ça lui arrive pour cet automne, quel truc pourra-t-il planter en cette saison, donc la saison automnale? Est-ce que ce sont des artichauts, des épinards et des myosotis? Des plantes grimpantes et des plantes carnivores? Ou des rosiers, des dahlias et des bulbes de fleurs? À ton avis, Jolan. Alors, je connais pas ton oncle, mais je dirais des bulbes de fleurs, moi. Toi, ça serait des bulbes de fleurs, des rosiers, des dahlias. Antoine? Moi, je dirais la 2. Des plantes grimpantes et des plantes carnivores. Teddy? Ah, je dirais la 1. Des artichauts, des épinards et des myosotis. Audrey? On est en automne? Oui. Bah, des bulbes. Des bulbes de fleurs, des dahlias et des rosiers. J'avais dit que c'était la 1. Bravo, Teddy, je t'avais donné la réponse. Oui! C'était la bonne réponse. Oh putain, j'ai bien fait lui. C'est la saison des artichauts et des épinards, donc en fait, il vaut mieux rien planter parce que, encore une fois, c'est dégueu. Voilà. Mais mon oncle aime ça, donc il. C'est hyper bon, arrête! J'aime bien pas les parce artichauts. Que t'aimes, c'est dégueu. J'aime bien les artichauts, moi. J'adore ça. Ouais. J'aime bien, ouais. J'ai pas dit que. Oh, doucement. Ça reste du légume. Moi, j'ai des goûts assez originaux en matière de déco, et c'est en regardant une ampoule que j'ai vu la lumière. J'aime bien ça. Oh, et je me suis dit. Petite et si j'enlevais ce qu'il y avait à l'intérieur de mes ampoules grillées pour les recycler et en faire une déco? Oui, je m'ennuie un petit peu en ce moment. Mais comment les vider, ces ampoules? Est-ce qu'il faut retirer le plot à la base de l'ampoule, briser le verre noir, puis casser le tube en verre à l'intérieur, ce qui est quand même vachement difficile? Est-ce que c'est impossible de recycler une ampoule soi-même et c'est pour ça qu'on est dans un truc à ampoule? Ou est-ce qu'il suffit d'enlever le culot en métal de l'ampoule avec une grosse pince? Antoine? Moi, je dis que c'est impossible. Toi, c'est impossible. Ouais. Qui suis Antoine? Moi. D'accord. Mais c'est parce que tu vas en faire quoi de ton ampoule? Je sais pas, j'ai envie de remettre quelque chose à l'intérieur du globe en verre, tu vois. Mais personne a des ampoules comme ça, Yann. Si, Yann. Théo, pardon. Bah si, si, si. On a le droit d'avoir des goûts bizarres. Non, mais personne n'a plus d'ampoule comme ça, ça n'existe plus. Bah si, peu importe l'ampoule en fait, c'est une ampoule qui grille, tu enlèves le... Mais il n'y a plus de globe en verre, c'est des LED maintenant. Et mais même si c'est des LED à l'intérieur, tu as toujours ton globe en verre. Bah oui. Teddy? C'est impossible. C'est impossible? Ouais. Donc tu suis Antoine et Faut la Jolan. Couper quoi, mais non, la couper c'est chaud. Antoine et Audrey, et qui n'a pas répondu, c'est Jolan? Tu dis quoi? Il s'en fout. Non, j'écoute, hein. Je vais suivre Antoine. Aussi. D'accord, donc tout le monde a donné finalement la même réponse que c'est impossible. En fait, c'est possible, mais c'est vachement compliqué parce qu'il faut retirer faut le plomb le verre, de l'ampoule, faut briser le verre noir, puis casser le tube en verre à l'intérieur. Voilà. Ouais, donc c'est impossible quoi. Non, c'est pas impossible, mais quand même, faut avoir envie de se faire chier. Du coup, c'était la réponse 1, c'est ça? La mauvaise foi. C'était la réponse A. Ouais. Mais pire, c'est que tu vas en faire quoi des ampoules après quoi? Mais laissez-moi avoir un peu de créativité, que diable! Dis-moi que le confinement soit fini, hein, qu'il puisse faire des Je suis un peu d'accord avec Théo au final, parce que tout est possible de toute façon, et puis ça a bien été créé d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'avec nos moyens, généralement, puis pour couper du verre, faut y aller quoi. Ouais, c'est sûr. On a perdu. Ah non, Antoine est revenu. C'est ça pour la dernière question de ce quiz, les amis. Alors, je sais pas si vous avez vu la dernière pub pour Monsieur Propre, mais sur l'étiquette, son carrelage, il brille énormément. Et j'aimerais que le mien soit pareil, sauf que j'ai pas de Monsieur Propre. Donc, qu'est-ce que je peux prendre à la place, d'après vous? Est-ce que je peux prendre un bouillon cube? Vous savez, les petits cubes magie, là. L'eau de cuisson du riz ou l'eau de cuisson de mes pommes de terre que j'ai pas jetées tout à l'heure quand j'ai fait cuire mes pommes de terre? qui m'ont servi à rien parce que ma casserole, je pouvais pas la laver avec. Ou du vinaigre blanc. Non. je veux pas le détartrer, mon carrelage, je veux le faire briller. Bah, tu prends un Antoine. Bah, avec de l'amidon, tu fais briller du carrelage. Ouais, ça me paraît totalement stupide. Ouais. Donc, c'était soit le riz, soit les patates. Soit le cube de le cubeur, bouillon cube. Ouais. Bah, ça va puer la mort, non? Et puis ça va coller. Ouais, c'est ça. Ça va sentir le poulet partout. L'amidon pour nettoyer le carrelage. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît absurde, moi. Ouais. Bon, alors qui, quoi, Après, dans le moins absurde, les patates. Les parce que l'amidon de riz, c'est quand même vénère. Ok, les patates pour Audrey. Qui suit Audrey? Bah, moi, allez, vas-y, même si je suis pas sûr, je suis. Allez, Jojo suit Audrey. Qui suit Audrey? Audrey une fois. Audrey deux fois. Audrey trois fois. J'ai vendu. Tu dis quoi? Moi, j'ai le riz, moi. Le riz pour Antoine. Et Teddy, tu dis quoi? Putain. C'est-à-dire le bouillon de cube. Je peux pas dire ça, je peux pas faire une Jolan. Non, le riz. Le riz. Le riz pour Teddy. Eh ben, c'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était l'eau de cuisson de mes pommes de terre que j'ai pas jetée tout à l'heure et qui peut servir à nettoyer le carrelage. Voilà, sachez. C'est étrange. Donc, c'est Teddy, étrange. Teddy, ça te dit un gros chien. Oui. Ouais, mais tu vois, le score final, j'ai l'impression que Jolan s'en sort quand même pas si mal que ça. Ouais. Oui, mais si j'aurais dit le cube, j'aurais fait une Jolan quand même. Si j'aurais dit non, non, si oui. J'avais dit peut-être, mais. Non, mais je m'en fous, les fautes de français, c'est mon dada, d'accord. C'est une passion dans la vie. Il est tard, il est excusé. Alors, ah non, il n'y a pas besoin d'être tard, hein, moi c'est normal. Voilà. À égalité avec 5 points, nous avons Antoine et l'équipe Théo Teddy. Ah, d'accord. 5 points. Donc mais j'ai réussi en fait, à rattraper. On reste bon dernier comme tout à l'heure. Bah ouais, ça en fait, classement. Ça n'a rien changé. Normalement, on garde toujours les meilleurs pour la fin. Mais bon, j'ai marqué 3 points, tu en as marqué que 2. Oui, bon, ça va. Mais il y avait 7 questions et non 6. Hein. Oh, et stop là. Attendez, je suis en train de compter, je délibère le sujet. Délibère alors. Ok, mais c'est une égalité. C'est une égalité entre Jolan et Audrey, une parfaite égalité à 8 points. À combien? 8 points. Eh ben. Donc Jolan, tu es nul. Non, je déconne. Parce que tu avais l'avantage à la première manche. Oui, non, t'avais l'avantage. Effectivement, tu t'es fait rattraper par Audrey, mais quand même premier à égalité. Bravo Jolan. On t'applaudit Jolan. C'est rare. T'as pas les applauses de méga applauses là? Ah voilà. Alors, on prend moi seul. Bravo! On t'aime, Jolan! Non, c'est pas vrai. On risque de pleuvoir. Calmez-vous, les garçons, calmez-vous. Je suis très ému. Par contre, de féliciter plus Jolan que toi, mais tout ça. Non, mais c'est pas ça la félicitation, c'est l'enthousiasme du truc. Évidemment qu'on est super enthousiaste. C'est la première fois qu'il est en tête. C'est un truc, c'est une émission à garder dans les annales. Jolan a gagné. Dans les annales et à réécouter en podcast dès demain, d'ailleurs, pour suivre comment Jolan est arrivé à cette belle victoire. Il y a toujours la possibilité de le réécouter 40 fois. Donc faites-le. Voilà. Quant à nous, on va se donner rendez-vous vendredi. Parce que vendredi, nous allons choisir, vous allez choisir le thème de l'émission à partir de demain. Puisqu'on va vous mettre le sondage sur les réseaux sociaux. Si vous préférez la Terre ou si vous préférez l'espace. Et nous répondrons à votre demande parce que nous sommes une équipe bien magnanime. Donc vendredi 21h, soit émission sur la Terre, soit émission sur l'espace. Rendez-vous vendredi pour savoir ce que vous avez voté le plus. D'ici là, on se souhaite une bonne semaine à tous. Et oui. Avec de la musique. Des bisous. Musique, bien sûr. Salut. Bisous. Et on écoute un petit souvenir d'été, Summer Memories. C'est Zayfall sur Indestar. Bonsoir. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.